Bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui toussent aussi au fond, là, je vous entends, là. Et bienvenue pour le 51e numéro du podcast du collectionneur. Alors, avec un numéro spécial fin d'année, j'ai envie de dire. Et en plus, on a ramené un cadeau, voilà. On a décidé d'être très originaux ce soir, donc on va faire un podcast bilan de notre année. Alors, bilan de l'année, comme on l'a déjà dit, c'est pas forcément les jeux qui sont sortis cette année, c'est les jeux auxquels nous avons joué cette année et auxquels on a envie de faire un big up. Voilà. Et donc, on en est déjà au 51e numéro, c'est-à-dire, il n'y a toujours pas l'âge de Petite Pelle. La moitié. Petite Pelle qui, d'ailleurs, la semaine passée, était à l'anniversaire de Kirk Douglas pour ses 52 ans et qui l'a appelé Fiston. Pour vous donner une idée. Voilà. Ça part fort aujourd'hui. Et oui, et je ne m'y attendais pas. Non, mais dites-vous qu'il a écrit cette blague. Ça fait deux semaines qu'il l'a préparé. Il s'est dit vite, faut que je la. Non, ça fait pas si longtemps que je sais. Non, mais bref, bon, c'était totalement improvisé. Et bonsoir à Chad, bonsoir à tout le monde. Et donc, pour ce numéro très spécial, un des jeux desquels j'avais envie de parler ce soir, c'est un jeu qui est sorti la semaine dernière, parce que maintenant l'année n'est pas encore terminée. Et c'est un jeu français. Et c'est ça qui est. La semaine dernière est sorti le jeu Monster Boy and the Cursed Kingdom et le Royaume Maudit en français donc sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch. Et il se trouve que j'ai joué à ce jeu et que forcément en tant que vieil aficionado de la série des Wonder Boy, j'ai beaucoup aimé. Mais tu as beaucoup ragé. Je suis pas la personne. Bonsoir. Qui êtes-vous ? Peut-être ne suis-je pas la personne la mieux placée pour parler de ce jeu ce soir puisqu'en effet nous accueillons un invité. Alors, cher invité surprise, qui n'est pas du tout une surprise parce que tout le monde le sait parce que j'ai tweeté 28 fois, veux-tu bien te présenter ? Qui es-tu ? Bonsoir, merci déjà de m'accueillir. Moi, je m'appelle Johan Lone et sur le projet, j'ai été lead artiste du jeu depuis le tout début du projet jusqu'à la fin. Voilà. Bienvenue parmi nous. Merci encore. Nous sommes très heureux que tu sois là, hein, sache-le. Oh oui. Oui, content, ouais, effectivement. On n'a pas souvent des guests, alors. Ça fait plaisir. Et donc, sur le coup, tiens, on va commencer par le début du commencement, à savoir qui es-tu et comment te retrouves-tu sur ce projet ? C'est sur un malentendu, je pense, que je me suis retrouvé sur le projet, je pense. Parce que au début, avant que ce soit Monster Boy, c'était censé être Monster Boy devait être s'appelait Flying Hamster 2. Ah oui, Flying Hamster. C'était la suite du premier Flying Hamster qui était sorti sur smartphone. C'était un shoot 'em up, je crois. Mm-hmm. Et du coup, Fabien, le patron de Game Atelier, a voulu faire une suite, mais avec un aspect Wonder Boy-esque. D'accord. À l'époque, on n'avait pas les droits, on n'avait pas vraiment toutes les autorisations nécessaires pour utiliser que ce soit le titre, les assets et tout. Donc, il a voulu faire, un Monster Boy à sa sauce avec un personnage qu'il avait déjà mis en place. Et puis voilà, quoi. D'accord, parce qu'en fait, lui, à la base, c'est un fan aussi de la licence, alors. Ah oui, là, c'est... En fait... Moi, j'y ai joué quand j'étais gamin, donc voilà. Ouais. Mais ça, je l'ai oublié entre temps parce que je pense que j'étais trop jeune ou un truc comme ça. Et c'est lui qui m'a rappelé que Wonder Boy existait. D'accord. Il existait. Et du coup, c'est un genre qui, enfin, je veux dire, cette licence-là réapparaît, tu sais, avec des héritiers comme les Shantae et tout ça. Donc, il voulait sûrement suivre un peu cette voie-là, justement. Le truc c'est que Shantae et Monster Boy ont commencé, je crois, au même moment. D'accord. La production s'est faite à la même période, je crois. Okay. Du coup, c'était. C'était une coïncidence, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, c'est marrant. Finalement, pour Monster Boy, la démarche était strictement l'inverse de celle du remake de Dragon's Trap par Omar Cornu et son équipe Lizard Cube. C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis dans l'idée de faire le remake d'un jeu existant, et donc, dans un premier temps, de briguer les droits et tout ça. Vous êtes partis dans l'idée de faire un Wonder Boy-like, et au fur et à mesure, finalement, comment ça s'est passé ? Vous avez été approché ? C'est vous qui êtes allé chercher l'ancien producteur de la série ? En fait, C'est il faut que je m'en rappelle parce que ça fait 4 ans déjà, 5 ans. Mais en gros, comme le projet commençait un peu à ressembler à quelque chose, il y a eu avant que FDG arrive, je pense, intervienne, il y avait Nishizora qui a été contacté sur le projet pendant le Kickstarter, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il a prouvé. Le projet, quoi. Il était ravi, hein, d'après ce que j'ai lu, il avait été. Il a été partant. Et moi, ça m'a surpris. Je fais waouh, le créateur originel de Wonder Boy qui a dit ok, let's go, les gars, vous allez mettre bénédiction. Et d'après ce que j'ai lu, il est fier, surtout qu'on se rappelle de la licence et qu'on veut continuer à la faire durer. Bah, il a été surpris, ouais. Il a été surpris. Il est content, ouais. Bah, pareil, même dans mon entourage, quand je parlais du projet sur lequel je travaillais, ouais. mes amis, ma famille disaient ouais, « tu travailles sur la suite de Monster Boy, de Wonder Boy !» Et me rappelaient tout ce qu'ils avaient vécu à l'époque, quand ils avaient vu le jeu, quoi. Et moi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la taille du projet. Parce que, personnellement, à savoir, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur-là au début du projet. Ça restait du Flying Hamster. Et voilà quoi, et petit à petit ça a grossi, c'est devenu ce que c'est maintenant, quoi. Ouais. Il me semblait, tu vois, que le côté culte de la licence était quand même bien établi, quoi. Et toi, c'est quelque chose qui t'avait surpris, donc. Comme je disais, celui qui m'avait plus marqué, c'était celui sur Mega Drive. Ah, moi aussi, le Monster World. Le Monster World, exactement. Et le truc, c'est que je pense que j'étais un peu trop jeune ou pas assez malin pour finir le jeu. Du coup, ce qui m'avait marqué, c'était les graphismes et l'ambiance du jeu, surtout. Ouais, carrément, l'atmosphère, les musiques, tout, c'était magique. Ouais, et je galérais à jouer au jeu, mais il y avait un truc qui faisait que ça m'avait marqué. Et du coup, petit à petit, c'est revenu, et tous ces souvenirs-là sont revenus, et là, c'est là où je me suis rendu compte vraiment que waouh, on est sur un projet énorme, quoi. Alors, je réponds rapidement à Red Skiller sur le chat. Celui-là, non, ça c'est la version Master System, c'est la sous-version qu'il faut oublier. Nous, on parle de la version Mega Drive. Ah oui, le Monster Wars sur Master System, oui, il est pas. Oui, avec... Alors, oui, ceux qui sont pas familiers avec les Wonder Boy, Monster Boy et tout, c'est compliqué. Mais alors, finalement, le papa de la série originale, il est arrivé, il vous a donné le droit d'utiliser les personnages originaux, ou vous n'avez vraiment jamais eu ce droit, et vous avez transformé ou redessiné pour que vous puissiez les inclure dans le jeu? En fait, c'était assez compliqué. On n'avait pas le... Juste pour rappeler à l'époque, lorsque Wonder Boy est sorti, puis leur suite, en gros, les jeux appartenaient, c'était à Weston. Oui. Mais les personnages eux-mêmes étaient à Sega. C'est pour ça que lorsqu'ils ont sorti les personnages sur d'autres plateformes comme la PC Engine ou la NES, ils ont remplacé les personnages par d'autres. Comme dans The Dynastic Heroes, qui sont devenus des scarabées en armure. Bah, étrangement, ça aussi, ça m'a surpris. Il y avait certains éléments, je ne sais plus lesquels, on n'avait pas le droit de toucher, mais les ennemis ou d'autres sprites, on avait le droit de les utiliser. Oui, d'accord. Parce que pour parler clairement, pendant le jeu, on a notamment Pepe Le Goût qui apparaît à plusieurs reprises, qui est le compagnon donc de l'héroïne de Monster World 4, et qui a quasiment pas été retouché, il est quasiment comme il était à l'époque. On l'a repris carrément le personnage, du coup ça c'est un des éléments qu'on a pu reprendre. Après je pense que, je sais pas si vous avez fini le jeu, au final, certains personnages... Je vais pas spoiler le truc, mais certains personnages importants qui apparaissent et qui. Bignon, tu pourras. Oui, je pourrais le préciser. Confirmer. Mais voilà, ne pas trop spoiler les gens, mais vous allez, vous allez voir. Mais je pense que ça s'est fait petit à petit. On nous a donné un peu, on nous a donné des morceaux jusqu'à au final, des gens soient convaincus que oui, au final, ça va être une suite officielle de Wonder Boy. Et puis voilà quoi, ils avaient assez confiance en nous pour. Qu'on puisse utiliser comme il faut tous ces éléments qui leur appartenaient. Oui. Mais justement, je voulais rebondir un peu là-dessus. C'est que en reprenant la base, justement, en tant que ligue d'artistes, Toi, tu avais accès à tous les travaux d'origine ou la documentation et tout ça ? Non, pas vraiment. Ce qu'on a dû faire, c'est aller sur Google. Et Google est ton ami. Ouais, ouais, ouais. Certains artbooks qu'on avait aussi. Donc, on n'avait pas de matière originelle. Ouais, ouais, ouais. Tu veux dire concrètement que pour dessiner le petit cochon, la seule chose que tu avais, c'était le sprite original Master System et... Et voilà, il fallait faire une animation avec. Donc, d'accord. Ouais. Donc, il fallait imaginer tout ça, comment il se comporterait et tout. Donc, D'ailleurs, la cigarette du petit cochon n'a pas arrivé jusque dans Monster Boy. Ah oui, ça c'est le regret. C'est un regret personnel, j'avoue. C'était trop stylé ce truc. Hein. J'ai pas fait le jeu, mais le. C'est vrai. J'ai vu ce sprite et je me suis dit, putain, c'est trop stylé. On ne fumait pas, mais. Je ne me souviendrai pas, le petit cochon apparaît en tant que tenancier du temple, on va dire ça, qui vous file le mot de passe dans Wonder Boy 3 Master System et dans la version PC Engine, mais qui n'apparaît pas dans la version Game Gear où il a été remplacé. Ah oui, oui. Voilà. Donc, pour l'avoir, celui-là, il fallait jouer sur le jeu vraiment original. Et toi, en tant que lead artist, voilà, qu'est-ce que tu as fait exactement dans le jeu ? Quel a été ton rôle ? En fait, j'ai été lead artist assez vers peut-être la moitié du projet. J'ai commencé en tant que graphiste junior, on va dire. Mm-hmm. Et de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de responsabilités, de tâches qui m'a été confié. Du coup, je suis devenu lead artiste un peu par accident, j'ai envie de dire. Mais ton travail un heureux accident. Mais au final, ça consiste. Que... Voilà, ton travail consiste à dessiner des croquis que les autres font de manière numérique. C'est toi qui fais la transition entre des croquis et l'aspect numérique des sprites. Avant, au début du projet, j'avais fait des concepts et petit à petit, je suis devenu en fait le gars qui s'occupait de l'aspect technique, intégration de décors, background. D'accord, ok. De tout ça, quoi, pour que le jeu fonctionne bien visuellement. D'accord, okay. Ah oui, donc tu faisais d'abord les recherches d'identité des personnages et ensuite tu les réadaptais dans le jeu vidéo directement, c'est ça? Exactement. Ouais. D'accord. Et du coup, voilà, au final, je me suis retrouvé à manager une petite équipe de graphistes pour m'épauler. D'accord. Et tu as participé aussi juste au niveau du sprite et tout ça, à l'animation des petits personnages ? Pour l'animation, c'était une autre équipe. Moi, j'étais vraiment sur le concept de background, des assets, de tout l'environnement, de tout ce qui est, comment dire, des éléments interactifs, jouables, et tout ça, quoi, du concept, voilà, quoi. Mais l'animation, c'était une équipe à part. D'accord, ok. Il y a un gros boulot qui a été fait, oui, sur les décors et sur notamment beaucoup de scrolling différentiel avec des éléments en premier plan, des éléments. Il y a beaucoup de profondeur dans les décors et la façon dont ils fonctionnent, ça fonctionne vraiment très très bien par moment. Très riche, oui. C'est vraiment très. Au premier coup d'œil, on joue, on ne s'aperçoit pas, et quand on prête l'attention, on se rend compte que. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de travail derrière les décors. Ce qui. Par exemple, puisque donc la comparaison est inévitable, les gens comparent pas mal le jeu avec le remake donc de Dragonstrap. Ouais. Et le remake de Dragonstrap apparemment a beaucoup marqué de par le parti pris des designs des personnages. Ouais. La relecture qui a été faite. Et je veux dire, là, lorsqu'on voit Monster Boy pour la première fois, on n'a peut-être pas autant l'impression qu'il y a autant de travail derrière, alors que c'est le cas. Et pourtant, le boulot qui a été abattu derrière est vraiment énorme, à savoir avec toutes les transformations. Parce que il faut savoir que le personnage au début c'était un personnage modulaire, donc c'était comme une marionnette avec des éléments attachés, les bras et les jambes qui étaient indépendants et qu'on animait un peu de façon vectorielle. Et c'est un peu plus tard, et c'est vrai que Wonder Boy a vraiment influencé la décision de OK, on va faire de l'animation pure, et puis voilà, c'était vraiment le coup, la bonne décision à prendre. D'ailleurs, parmi l'animation et surtout parmi les transformations, il y a Buzzy qui voulait poser une question par rapport à une transformation spécifique du jeu. Oui, c'est surtout au niveau de tes influences. voulais juste savoir si tu aimais Cosmo Cats. Oui. Ah, après, bon, après Cosmo Cats, ça, comme je dis, l'animation, le chara design, ça a été vraiment l'équipe d'animation qui s'en est chargée. Donc Cosmo Cats, c'est un peu du côté des animateurs que ça s'est fait, que ça a été décidé. Voilà, je pense que Star Lion. Quand j'ai vu le design, il n'y a pas un. Exceptionnel. Ce que j'avais vu en premier, c'était le flic du lion, en fait. Et je, bah, il est en slip, c'est pas possible. Et au final, je fais, ah, mais non, en fait, c'était vraiment un gros clin d'œil à Cosmo Cats. Donc, qui... ouais, je ne m'étais pas trompé. Oui, ça m'a, c'est moi, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. J'aime Cosmo Cats. Mais justement, cette DA qui reste. Tu vois, elle a quand même sa propre identité, mais on reconnaît aussi quand même une influence sur, sur les travaux d'origine, quoi, évidemment. Donc c'est ça le plus dur aussi, de garder une identité, une cohérence dans tout l'ensemble, quoi. Enfin, j'imagine. C'est vrai que, oui, les recherches... Je suis encore en train d'y penser, mais c'est vrai que le travail de recherche a été vraiment, vraiment énorme. Combien de semaines, voire de mois, on a passé pour dire que la grenouille va ressembler à ça, le dragon va ressembler et à ça. Justement, ce Capsilver le mentionne sur le chat, entre les premières démos qu'on a vues et le jeu final, on a vu des changements dans les sprites. Oui. Dans les animations, notamment. Il y a des choses qui ont été, qui en cours de route, vous vous êtes dit, non, finalement, on va plutôt partir vers là ou vers là, ou... C'est sûr... Est-ce que la conception d'un jeu est gravée dans le marbre, ou est-ce que, genre, 6 mois avant, vous pouvez vous dire, non, finalement, ce sprite-là, on va tout changer? C'est comment dire, moi, je l'ai appris, comme c'est mon premier jeu en tant que graphiste, artiste, oui. C'est là où je pensais que tout était gravé dans le marbre, mais au final, non. Parce que il se peut qu'il y ait juste un élément qui ne fonctionne pas pour qu'on change tout d'un coup. L'aspect modulaire du personnage, pour moi, on était peut-être à 4 ans, à 3 ans de développement. On a pris la décision, Fabien et FDG ont pris la décision de faire de l'animation pure. Et quand on entend ça, on dit « Ah ouais !» On est en train de se dire combien de temps ça va prendre. Ouais, d'accord, c'est presque un effet décourageant, tu veux dire, à ce moment-là. C'est flippant au début. Ouais. Parce que on se dit, on va peut-être pas y arriver, mais au final, on a mis l'énergie nécessaire, on a mis tout ce qu'il fallait pour que ça se fasse, quoi. Ça a pris du temps, ça a eu d'énergie, mais ça a valé le coup. C'est surtout ça qu'on se dit. Les changements, en fait, font que ils sont inévitables, c'est inévitable. Ok. Faut se préparer à ça, quoi. Ouais, faut se préparer à ça, et j'étais pas prêt à l'époque, je pense. pour avoir une idée, ça représente combien de personnes, un projet comme ce Monster Boy? C'est énorme. Je pense qu'on est à un moment, on est arrivé à... Quand je compte tout ce qui est musicien, testeur, animateur, artiste background, dev, on était facile à une cinquantaine, hein. C'est pas mal. Donc, mais ça, c'était vraiment au pic du développement où toutes les forces et énergies étaient rassemblées. Comme on disait, voilà, à l'époque de la NES, il y avait, enfin, je veux dire, 4-5 personnes, ça faisait un jeu. À l'époque de la Mega Drive, une équipe de 50 personnes, c'était déjà une grosse équipe pour faire un jeu. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un jeu indé, bah, finalement, c'est la taille d'une équipe d'un jeu, d'un gros jeu Mega Drive de l'époque, quoi. Ouais. C'est normal, c'est cohérent, quoi. C'est chouette. Mais après, quand je dis une 50, il y a aussi des gens qui sont arrivés, qui sont partis, donc. Tu parlais de la musique, alors ça aussi c'est épatant. Genre, comment vous avez fait pour avoir des noms comme Yuzo Koshiro est-ce que vous êtes allé chercher ces gens en leur disant hey, on est en train de faire ça, est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que le fait d'avoir le papa de Wonderboy dans le projet a aidé aussi à créer le contact avec ces artistes? Déjà, oui, je pense que le fait que Nishizawa ait dit ok, moi j'approuve le jeu. Ça nous a donné une petite carte de visite pour pouvoir démarcher des musiciens japonais connus. Ouais. Le truc, c'est que le plus gros du travail, je pense que c'est surtout l'acharnement de Fabien et de FDG quand ils ont dit nous, on veut tel compositeur, donc on va tout faire pour l'avoir. Et moi, je quand ils nous annonçaient que oh, ok, on a le compositeur de Street of Rage, on a le compositeur de Castlevania, et là je fais ah ouais. Michiro Yamane, je m'en remets toujours. C'est vrai qu'on a Michiro Yamane. Non, je m'en remets pas. Par exemple, quand il m'avait annoncé que le compositeur de Street of Rage était de la partie, moi j'étais là comme un gamin, parce que Street of Rage 2, surtout, c'est celui qui m'a marqué sur Mega Drive, c'est un de mes jeux préférés. Là, je me suis retrouvé comme un gamin, je me dis... Et d'ailleurs, lorsque Blizzard Cube a annoncé Street of Rage 4, c'est la première chose que les gens ont dit, c'est « Est-ce que Yuzo Koshiro est là ?» Pour l'instant, il n'a pas répondu. Il a dit qu'officiellement, il n'avait pas encore le droit d'en parler. Ouais. Donc, la question reste en suspens pour Streets of Rage 4, mais c'est vrai qu'on espère, oui, évidemment, qu'il soit là, qu'il soit sur le projet. Mais après, ouais. Musicalement, oui, c'est une Dream Team, quoi. Mais vraiment une Dream Team. Ah, ouais. Et c'est très intéressant tout du long, c'est une relecture, oui, des thèmes principaux de Wonder Boy pour la plupart, avec la nouveauté. Musicaux fantastiques. Hein. Je prends pour exemple l'épisode Wonder Boy, justement, que tu mentionnais, hein, Johan, qui est vraiment une espèce de pot pourri des meilleures musiques, je trouve. Et il est... Non, mais c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai. Mon petit... Mes préférés, c'est au début du jeu, lorsqu'il y a le chant vers la gauche du village, la musique qui fait pa pa pa pa la pa la pa, qui est vachement bien. Pour ah ça, oui. Et le coup de la musique de Wonder Boy Earl en musique d'ascenseur pour monter dans la tour. Bravo. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que voilà, le jeu il est marrant à jouer, il fait plaisir à jouer. Donc, Ce qui est bien, c'est que ça fait plaisir aux anciens qui connaissent, et c'est aussi une bonne découverte pour les nouveaux. Vous arrivez à jouer sur les deux tableaux, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Et ouais. Même moi, ça me surprend en fait qu'il y ait cette claque nostalgique qui revient souvent. Dans les articles que j'ai lus, et je fais ah oui, c'est vraiment à ce point-là. Je réalise pas à quel point ça a pu rappeler des souvenirs aux gens. C'est vrai. C'est une série que beaucoup de gens regrettent, hein, qu'ils aimeraient. Enfin, là, ça revient presque officiellement avec le Monster Boy. Mais voilà, les gens en voudraient davantage. Je vais prendre le. Si on tous joué à un Wonder Boy. Oui. Ouais, bah justement, ce que. Moi, par exemple. J'avais jamais fait de Wonder Boy, bon, sauf si le remake de l'année dernière là, mais j'avais jamais fait de Wonder Boy. Et en fait, quand j'ai vu le premier trailer de ce Monster Boy, moi je me suis juste dit, ça a l'air trop cool, c'est mignon, coloré, ça bouge bien, j'ai envie d'y jouer, sans savoir ce que c'était, même relié à la série Wonder Boy. Donc vous avez vraiment, je pense, réussi. Enfin, en tout cas, moi vous m'avez capté, vous m'avez capté, alors que j'avais pas derrière la nostalgie, tu vois. Donc c'est bien aussi, je trouve, d'avoir réussi ça. Oui, mais en plus, tu nous as tellement capté, toi et ton équipe, qu'on en a parlé régulièrement dans le podcast. Hein. C'est vrai. Quand est-ce qu'il sort? Ce qui a été fait, c'est que dans les doigts, quand on joue, à Wonder Boy, c'est-à-dire qu'on a l'immédiateté de la jouabilité de l'époque. Alors, bon, je parle toujours de Dragon Strap, de Wonder Boy 5 sur Mega Drive, de Monster World 4 sur Mega Drive. Ouais. On a le même senti, le même feeling, le même ressenti. Ouais. Et c'est ça qui était important. Vraiment, dans les doigts, c'est Wonder Boy, tel qu'on a l'impression que c'est une suite. Voilà, on a une nouvelle aventure dans une série de jeux qu'on connaît. Voilà. Je pense que ça veut dire qu'on a réussi. S'il y a vraiment les gens qui attendaient cette suite à ce point-là, et qu'au final, ils se retrouvent vraiment dedans. Bah oui, il faut dire qu'il y a... Mais Yann, tu sais, il y a 20 ans, l'épisode Wonder Boy... Et Monster World sur Mega Drive, justement, s'est terminé par un To Be Continued. Hein. Et on l'a jamais lu hein, depuis. Hein. Donc c'est pour ça aussi. Hein. Il y a toute une génération de joueurs qui l'attendaient. Hein. C'est comme Shenmue. Mais oui. Oui, mais après, je vais rien dire, je vais être très gentil. Une fois, je vais rien dire du tout. Quoi, Shenmue 3 revient bien sous la forme d'un jeu indépendant. Non. Bon, et au final, donc la presse est dithyrambique sur ce Monster Boy. Pour l'instant, j'ai pas vu de mauvaises notes ou de notes même moyennes. Hein. Les gens sont plutôt contents. Ouais. Est-ce que vous êtes content pour l'instant des ventes et de la façon dont de la dynamique qu'il y a autour du jeu? Pour ce qui est de la dynamique autour du jeu, pour moi, ça me surprend toujours. Enfin, je suis toujours surpris qu'il y ait autant d'enthousiasme et de gens qui en sortent, on va dire, hein, le jeu. Et moi, pour moi, c'est tout le temps une surprise. Après, pour ce qui est des chiffres, je sais pas du tout comment me situer par rapport à ça. Je sais pas. Vous aviez pas forcément des objectifs chiffrés ou... Non, pas vraiment. Déjà, moi, le premier truc là où je me dis, ok, c'est bon, on a réussi, c'est que les gens le kiffent, le jeu, qui prennent plaisir à jouer. Ça, c'est le premier, la première chose qui me travaillait. Après, pour ce qui est des chiffres, je sais pas. Je sais pas comment me situer. Je vais être tout à fait honnête, parce que je suis toujours honnête. Quand j'ai vu le tarif de vente finale, j'ai dit, ah, 40 balles en démat. Et voilà, ça, je me doute que ça devait être des discussions, des tractations dans l'équipe, et que compte tenu du casting général du jeu, du nombre de personnes qu'il a fallu sur le projet, il y a une réalité économique derrière, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un petit risque aujourd'hui de sortir un jeu dématérialisé, parce que donc chez nous il n'est pas sorti en boîte à 40 euros. Ouais. D'ailleurs, pourquoi pas de boîte en Europe et une aux États-Unis? Pourquoi pas en Europe? Apparemment aux États-Unis il y avait une bonne opportunité pour le faire en démat, et de ce que j'ai compris, en Europe c'est très très compliqué. Pour faire des boîtes Des boîtes, oui. Parce qu'apparemment, il y a une sorte de comment dire, de... Comment on dit ça, de... Ah Je vais pas dire une mafia, il y a une sorte de... Oui, il y a des boîtes qui se partagent le gâteau pour sortir les jeux ensuite. On a l'impression que pour qu'un jeu indé sorte en boîte en Europe, il faut déjà que ce soit un grand succès derrière. C'est ça, c'est très compliqué pour un petit jeu. Alors qu'au contraire, c'est la boîte qui adorait le jeu avoir du succès. Je pense aussi. La boîte, est, mine de rien, c'est quand même quelque chose d'important. Certaines entreprises ont bien compris. C'est vrai que nous, on est vraiment... moi, je suis le premier à être un peu déçu de ne pas avoir de démat en France, parce que je pense que les Français... En général, ce sont les premiers à aimer ce genre de support, en plus avec un manuel et des petits bonus à l'intérieur. Bien sûr. Avec les petits trucs comme ça, mais en plus, nous, en tant que boîte française, je me dis c'est légitime que les Français ou en Europe, ce soit les plus concernés. Mais malheureusement, il arrive qu'il y a ce genre de situation qui fait que... On n'a pas trop encore le choix. Une fois, tout n'est peut-être pas gravé dans le marbre. C'est ce qui s'est passé donc avec Dragonstrap dans un premier temps qui est sorti en démat. Ensuite, il y a eu une édition en limited run. Et ensuite, le jeu est sorti partout en boîte. Ouais. Donc, on peut imaginer que ça puisse arriver. On va voir comment ça va se passer pour la suite. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer honnêtement. Bien sûr. Mais on croise les doigts, on croise tous les doigts. J'avais une petite question rapide avant de terminer par rapport à l'équipe, justement, à Lizard Cube. Est-ce qu'il y a eu des interactions entre vous? Est-ce que c'était plus une rivalité dans le sens émulation mutuelle pour sortir des jeux meilleurs de chaque côté? Est-ce que vous vous connaissiez ou pas du tout? En fait, c'est Fabien, David et Omar qui se connaissaient, qui se connaissent, qui sont très bons amis. Du coup, il y a eu un très bon échange parce que Lizard Cube, en fait, ils ont été, ça a été une concurrence saine. Oui. Parce que quand ils sont sortis en premier, juste avant nous, ça nous a poussé à nous dire, ok, il va falloir qu'on pousse aussi la barre. Ouais, c'est ça. C'est... Et ce qui a été cool, surtout de la part d'Omar, c'est qu'il est venu, il est venu nous voir et. Il nous a donné quelques conseils, son avis sur le projet. Okay. Donc c'était vraiment une coopération saine, pas de concurrence mal placée ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment cool. C'est bien. Hein. Et parce que finalement le souci majeur avec le remake de Dragonstrap, c'est que pour avoir observé notamment le live sur la JVTV qui a eu lieu sur Monster Boy. Le nombre insensé de gens qui ont demandé si Monster Boy était un autre remake. Ouais. À qui, patiemment, on répondait non, c'est un nouveau jeu. C'est vraiment un tout nouveau jeu. Je vous l'ai dit. Oui, ouais. C'est ce qui revient souvent. Mais bon, après, il y en a toujours quelqu'un derrière qui rappelle que c'est un jeu original. Moi, je pense que c'est un petit truc, c'est pas grand chose, c'est pas trop grave. On me fait signe de dire que nous aussi nous avons aimé Omar, oui, une personne très sympathique, un peu taquin, surtout avec toi. Disons qu'on a un invité, c'est l'invité en fait qui bizute en fait un membre de l'équipe. Et là, il a taclé Beyond, donc c'était très bien. On a beaucoup apprécié. Ah non, Omar, il est super cool, il est vraiment. Ah oui, oui. Il a été de bons conseils. Bah tant mieux, parce que ça se voit au final, quoi. Et puis c'est quelqu'un qu'on aime bien aussi par ici, donc. Aussi. Bon, donc voilà, je pense qu'on a légèrement dépassé les 10 minutes. Oui. Bah, c'était fixé. Au final, ouais, c'est plutôt bien passé. Juste pour savoir. Oui. Non, mais oui, juste pour savoir si tu avais des projets pour la suite ou si tu voulais bénéficier d'un repos bien mérité. On peut nous en parler, bien évidemment. Bah là, de toute façon, il faut qu'on prépare la version PC. Il faut qu'elle soit aussi carrée que ce qu'on a sorti sur console. Donc, c'est surtout préparer la version PC. Et voilà. Oui, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. Moi, je veux savoir si, sans spoiler, si l'image de fun de 100% nous promet quelque chose ou pas. Non, j'ai rien honnêtement. Pour... Donc, vous l'avez entendu ici, hein, il confirme, il y aura bien une suite. je ne me présenterai pas aux élections américaines, non. Non, malheureusement, j'ai rien à vous donner, même pas oui, un non, morceau. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on satisfasse les joueurs PC maintenant. Oui, voilà, et régler les problèmes de ce que peut être, comme Omar l'avait expliqué. Sur PC, c'est vachement bien, t'as juste 4 milliards de configurations et ça doit marcher partout. Ouais. Et ça va être une partie de plaisir. Donc voilà, donc le repos, on va le repousser un peu et on va continuer à travailler. Pour le plaisir de tous. Il n'y a pas Pulpi qui veut poser sa question habituellement. Et alors, sur le coup, on va devoir poser l'ultime question qui est un peu une espèce de rituel dans ce podcast. Et pour cela, j'invoque Pulpi, mon assistante, matérialisation. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis. Mais oui, c'est moi qui pose la question du podcast. La question super importante qui est bien sûr en rapport avec les jeux vidéo. Quel est ton yaourt préféré ? Je mange pas de yaourt parce que je suis intolérant. Ah, et bah réponse inédite. Il faut un début à tout. Réponse inédite. Voilà, désolé. Il y a pas de mal. C'est la question traditionnelle. Bah, c'est nous qui sommes désolés pour le coup. Ouais, bah, non, mais en tout cas, c'était chouette. Donc, merci beaucoup d'avoir participé ce moment avec nous. Merci. Merci à toi. Hein. C'est cool. On va glisser directement vers la suite du podcast. Alors, si tu veux partir, tu peux disparaître dans un nuage de fumée, pouf, comme tu le sens. Là, je vais y aller. Je vais vous laisser sur cette bonne humeur. Et je vous remercie encore pour l'invitation. Non, c'est normal, c'est mérité. Mais on est très, très honorés. On est très contents. En tout cas, je suis super content que vous ayez aimé le jeu. Ça, je pense que aussi, c'est le plus important pour nous chez Game Atelier. C'est ce qui compte et il faut que ça continue comme ça. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à toi et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Et donc, sans transition. Nous allons passer aux news. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non. Monster Boy est sorti, vous le saviez? Je vais commencer par une news vachement bien. Je vais mettre un lien sur... Si, c'est vrai. Mais oui. Sur le chat, je vais y arriver. Où est mon clavier? Ah oui, là. Voilà, c'est une cagnotte Litchi pour une action de Noël. Alors, vous pouvez donner, vous pouvez pas donner, vous comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'à côté de ça, donc Côté Gamer, qui édite des livres sur les jeux vidéo, offre des ouvrages gratuitement en PDF. Vous pouvez les télécharger, c'est parfaitement gratuit. Vous donnez si vous voulez, si vous pouvez, et il n'y a pas d'arnaque, c'est gratuit. Vous pouvez notamment retrouver le livre consacré au shoot 'em up Super Nintendo dont j'avais parlé, un ouvrage consacré à Metroid sur NES, un autre à Zelda sur NES. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est des ouvrages qui sont bien faits, qui sont très complets et précis. Voilà. Donc la cagnotte, oui, c'est fait pour... ça bénéficie en fait aux enfants hospitalisés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour leur offrir des cadeaux à Noël en fait, voilà. Voilà, donc, c'est pour une très bonne cause. Ça. Bon, une autre news, on parle, une bonne news, voyez. Sega a annoncé... Oula, attends. Ah putain, j'entends un robot, moi. Je suis le seul. Je crois qu'on est en train de perdre le podcast, là. Alors, attendez. On va changer de serveur. Comment on fait? Je sais plus. Ah, donc voilà, c'est mieux. On est de retour. Ouais. Donc, désolé, oui, j'ai... Non, c'est rien. Alors, tout va bien. Aussi ne réglez pas votre télé. Je okay. croyais que ça venait de chez moi. C'est Discord qui vient de nous chier dans la colle. Tout... Quelque part, c'est bien que ça tombe après l'interview. Oui. Voilà, mais oui. C'est donc... un signe. Oui. Tout va bien. Donc, sur le coup, remake de Panzer Dragoon 1 et 2. Quand ils disent remake, apparemment, ils comptent refaire entièrement le jeu. Ouais. Ils comptent actualiser les mécaniques de gameplay. Mm-hmm. Et ils vont les sortir à l'unité, apparemment. Il y en a un qui est prévu en début de l'année prochaine, l'autre plus tard. Ah oui, je pensais que ça allait être les deux quand même. D'accord. Okay. Voilà. Et par contre, aucune nouvelle du saga. On espère que si ces deux-là marchent, il ouais. s'attaque enfin à refaire entièrement Panzer Dragoon Saga. Donc on rappelle Panzer Saga dont le code source a été perdu, donc que jamais on ne verra sous la forme juste d'un rehaussement de la 3D, où il va falloir reprendre les jeux de A à Z. Ouais. Mais récemment, après avoir vu donc Activision refaire entièrement les Crash et les Spyro à partir ouais. de rien, ça les motive et ils ont envie de recréer. Et puis bon, en même temps, ça marche. Il y a longtemps qu'il y a des gens qui attendent de Panzer Dragoon remake. Voilà. Mais il faut dire que le saga, c'est ceux qui ont joué sur Saturn et on sait. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut dire que le saga est quand même vraiment différent des premiers. C'est un RPG. Bref, on croise les doigts. C'est un RPG. Il coûte plus de 300 balles. Alors s'il vous plaît, refaites-le. Mais moi, je suis content. Je suis étonné. Pas vu venir. Hein. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Dans les licences Sega, il y a un truc qu'on n'avait pas imaginé, c'était bien ça. Hein. Ouais. Totalement. Ça sort de nulle part, mais c'est. Ah, ben s'ils peuvent poursuivre même avec un Shining Force et tout, moi je dis oui. Hein. Oui, mais non, il y a Valkyria Chronicle, le nouveau Shining Force. Vous m'avez pas entendu, je ne suis plus là. Bon, voilà. Rapidement, notre point mini du podcast. Donc, votre PlayStation classique que vous n'avez pas acheté parce qu'elle ne fait pas tourner le jeu correctement peut être évidemment craqué en claquant des doigts avec une clé USB. Hein. Voilà. Vous la craquez en slip, il n'y a rien de plus facile. Donc désormais, vous avez une petite boîte qui coûte 100 balles qui ne fait pas tourner les jeux correctement. Voilà, c'est cool. Depuis son lancement, il y a eu donc deux hacks différents. Et alors, je tiens à dire. Un tout simple en branchant un clavier. Je tiens à dire pour le troll qu'apparemment la Super NES Mini hackée fait mieux tourner les jeux PlayStation que la PlayStation classique. Pour préciser, mais, ils ont mis EPSXe sur la Super Nintendo Mini et Ridge Racer Type 4 tourne parfaitement, contrairement à l'émulateur utilisé avec la PlayStation classique qui pourtant est plus puissante. Voilà, donc, mais bon, bref. On disait la semaine dernière qu'ils en avaient rien à faire et qu'ils avaient fait ça à l'arrache. Ouais, c'est pas parce que vous avez encore une. Voilà. Vous voyez qu'effectivement c'était bien. Ils en ont rien à faire. Voilà. Malheureusement. Bon. Et sur le coup, on va finir avec les news qui fâchent. News qui fâchent, news qui fâchent. Alors, laquelle on fait pareil? Bon, allez, je me fais plaisir. Le petit coin Street Fighter V, voilà. Je suis toujours pas fan du jeu, hein, même si maintenant il y a du contenu, il y a des choses dedans, hein, c'est plus vraiment une coquille aussi vide. Mais visiblement, Capcom, ils ont trouvé que c'était une excellente idée de mettre... j'ai mon clavier qui vient de tomber, c'est pour dire. Non, reste là, clavier, t'inquiète pas. Ils ont décidé de mettre de la publicité in-game qu'ils ont tenté de faire passer pour du contenu sponsorisé dans le jeu. Alors en gros, ça se traduit par quoi? Des logos Capcom Cup un peu partout. Oui, le Capcom s'est pété sur les, sur les ceintures des personnages, j'ai vu ça. Voilà, sur les camps de Ryu. T'as un personnage qui n'avait pas une ceinture, je crois que c'est Blanca, ils l'ont mis une ceinture genre comme un catcheur. Avec le Capcom Pro Tour, le cycle du Capcom Pro Tour. Là par contre, où ils se sont pris quand même pas mal de trucs débiles dans la tronche, c'est qu'ils en ont mis à outrance et partout, il y a des endroits débiles. Notamment sur les crânes que porte Dalsim autour du cou. Oh, mais scénaristiquement, déjà, les crânes ont une importance. Il me semble que c'est les crânes des enfants de son village qui sont morts dans je sais plus quoi. Je me souviens plus exactement le truc autour de ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh putain, c'est pas possible d'être aussi classe !» Il y a une raison à ça ? Parce que le CPT, il y a quand même de l'argent pour le faire, il donne quand même des sous. Alors, en fait, coïncidence, le jeu est en gratuit à jouer jusqu'au 19 décembre. Tu penses qu'ils ont fait ça pour attirer les gens ? Honnêtement, je sais pas, mais là, c'est étonnant, ça reste quand même étonnant. Enfin bref. Alors, apparemment, il me semble que tout ça, c'est récompensé par de la fight money supplémentaire, en fait, tu décides d'activer le truc. Je sais pas, j'ai pas vraiment vérifié, j'ai juste vu ça sur les réseaux sociaux et sur YouTube, j'ai trouvé ça pas vraiment de très bon. Non, mais il y a plein de gens qui l'ont relevé, de toute façon, il y a plein de gens qui sont étonnés, parce qu'effectivement, c'est le pourquoi du comment, pourquoi. Voilà. C'est l'intérêt, quoi, après, hein. Ça reste Capcom, je pense que s'il y a moyen de se faire de l'argent facilement, ils vont pas cracher dessus, hein. On sait. Mais bon. Et notre dernière petite news de la semaine, que je vais résumer par paf pastèque. Bah, oui, paf pastèque. Ouais. Bon, faut y aller avec parcimonie quand même sur cette news. Parce que, voilà. Donc, le projet Paprium, donc un jeu édité par Watermelon, qui a commencé son développement il y a quoi, 5 ans maintenant, je crois. C'est ça, ouais. Bon, qui n'en finissait pas. Enfin, il sortait pas. Il y a eu une fameuse soirée de lancement qui est devenue finalement une soirée anniversaire de la Mega Drive parce qu'apparemment ils n'avaient pas grand-chose à montrer. En fait, moi, tu t'es trompé. Ils ont lancé le jeu, mais contre un mur. Ouais, voilà. En gros, voilà, le jeu clairement il est pas prêt. Le problème c'est que il y a aucune communication. En fait, c'est le vrai seul problème dont on est sûr. Il y a aucune communication. Ils ont pris l'argent des gens. Ils ont pas dit quand on aurait le jeu, on ne peut plus les contacter, c'est le silence radio. C'est très difficile de se faire rembourser quand on demande. Je dis on parce qu'en fait, quelqu'un était rentré dans le truc et m'avait précommandé un jeu, donc je considère que je fais partie des gens qui pour l'instant se sentent un peu arnaqués. Mais voilà, ouais. on Paprium, officiellement là, silence radio, on ne sait plus ce qui se passe sur le jeu. La seule communication qu'ils ont eue, c'est après la soirée de lancement. En disant, vous n'avez pas bien compris ce qu'on voulait faire, et le jeu, il est prêt. Voilà. En disant qu'ils allaient respecter les envois en décembre. Et un mois plus tard, on ne sait toujours rien. Voilà. Quand les gens contactent, parce que j'ai aussi plein de mes connaissances qui ont backé le jeu et qui attendent, et ça reste lettre morte. C'est un enfer. Voilà. Donc là, il y a un article du site commentjouer.fr qui annonce carrément la fermeture de Watermelon Games. Voilà. Et ça, par exemple, je sais pas en vrai si c'est avéré ou pas. Mais vu qu'il y a personne pour dire le contraire. J'ai regardé tout à l'heure vite fait au registre du commerce, ils sont apparemment toujours inscrits. Ouais, voilà. Non, c'est et le site est toujours là. Et le site est toujours là. Ouais, aussi. Vu qu'il y a personne pour dire le contraire, en fait, on peut dire n'importe quoi. C'est ça le souci avec la situation actuelle. Donc, indicateur. Il y a l'indicateur. Si vous allez sur la page Facebook, vous regardez les doléances. Vous allez sur le site. Vous regardez les commentaires. Et vous allez voir le nombre de gens qui ne sont pas satisfaits et qui se plaignent. À partir de là, je pense qu'on a un bon indicateur du problème. Et on se plaint à juste titre. Hein, je veux dire, là le pognon. Je veux dire, le pognon. Mon argent. Alors je vais le citer, mais donc c'est Pixel Boy parce que son pognon, lui, il a été pris et il a été pris x2 parce que je lui ai dit de me prendre un jeu. Donc c'est compliqué, c'est quoi. Terrible, hein. Donc je ne sais pas s'ils écoutent le podcast, mais s'ils écoutent, faites un geste. Bah, dites au moins ce qui se passe. On peut comprendre si vous avez une bonne raison et que vous expliquez. Mais en attendant, si vous dites rien, il va y avoir des esprits qui vont s'échauffer. Pour citer Boss Dick, ceux qui ont backé le jeu, ils ont les fesses pleines de souvenirs. Quoi. Ah bah ouais. Ah mais totalement. Hein. Ah oui. Mais ouais, c'est terrible. Et c'est à décourager. Mais c'est même pour le tout ce qui est Kickstarter et tout, c'est vraiment une sale image quand même. Bah, disons qu'il est, on va dire qu'il fait partie des sociétés, parce qu'il n'est pas le seul. Watermelon n'est pas la seule société à avoir fait des projets, et des projets qui à terme se sont révélés pas aussi bien qu'on aurait voulu. Pierre Solar était bien. Oui, il avait déjà des problèmes de communication, Pierre Solar. Les conditions de sites comme Kickstarter ou récemment Indiegogo, puisque j'ai fait un Indiegogo récemment, en gros, ces sociétés-là, certes, servent à récolter l'argent, mais se dédouanent dans les conditions générales en disant « Si vous ne recevez pas les contreparties, nous n'y sommes pour rien. Ouais, et nous ne sommes pas non plus aptes à vous rendre votre argent. » Bah et voilà. C'est pour ça aussi parfois, qu'au niveau de la loi, c'est attention à ce que vous faites. Voilà. Bien vous, je vous dis qu'au niveau de la loi... Oui, et parfois même, c'est encore plus opaque que ça. Vous, par exemple, pour ceux qui ont backé Mighty No. 9, donc là, pour le coup, je peux en parler, ils ont fait appel à une société tierce pour gérer, en fait, les contreparties. Mm-hmm. Ce qui fait que Inafune, il disait, bah, en fait, bah, moi, j'ai tout fait comme il faut. C'est eux qui ont rien fait. Et en fait, quand t'interrogeais les mecs, ils disaient, bah oui, mais en fait, ils nous ont filé que... Par exemple, il y avait une boîte type Famicom et une boîte NES. Bah, ils nous ont filé qu'un truc. Ils ont filé le manuel que au format NES et pas Famicom. Donc nous, on a mis ce qu'on avait dans les boîtes parce qu'on n'avait pas le choix. Mais après, parce que Mighty No. 9... c'est pas propre que pour Mighty No. 9. Il y a plein de boîtes. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Ouais. Mais Mighty No. 9, c'était Kickstarter aussi. Kickstarter aussi. Bah ouais, donc ouais non, comme le problème aussi avec Bloodstained. Et là, pour le coup, Iga, sur Bloodstained, il a dit qu'il n'était pas satisfait du résultat et qu'il allait repousser parce qu'il fallait travailler plus. Ouais. Voilà. Bah, ça dit, ils ont quand même fourni un jeu. Ils ont quand même fourni un jeu bonus en 2D, mais qui satisfait tout le monde. Donc c'est finalement, c'est pas mal. C'est vrai, mais c'est malheureusement pour lui. Les gens préfèrent. Ouais. Non, mais pour l'instant, après, le jeu 3D n'est pas sorti. Mais... Non, après, lui, il a dit clairement, oui, il a bien vu qu'il y avait des problèmes. Ouais. Mais comment donner envie aux gens? Par exemple, en Kickstarter qui s'est bien passé, un peu comme si t'es Shovel Knight par exemple. Oui. Mecs, ils ont été, voilà, ça s'est très bien fait jusqu'au bout. Là, ils sortent le dernier DLC. Ça a peut-être pris du temps, je sais pas. Il y aura toujours des projets viables. Mais le problème, c'est que quand c'est des grands artistes. Mais ouais. Voilà, Inafune, Iga, Frédéric Rinal, qui demandent de l'argent, qui l'ont très facilement, parce que tu regardes comment ça se boucle rapidement et avec des sommes, des fois, c'est conséquente quand tu vois des fois le résultat. Ouais, ouais. C'est difficile de donner envie aux gens de donner. Hein. Ouais. Moi, perso, effectivement, je vais avoir une fois. Non, merci. J'ai plus envie. Après, ça regarde que moi. Bref, voilà, sur le coup. Oui, celle-ci, même si, voilà, pour Paprium, à mon avis, c'est le. Le chant du cygne. Ah, ça pue un peu. Quand je vois les Kickstarter et les trucs en mode donnez-moi mon argent, ça me rappelle, bon, ceux qui ont connu un joueur de Street Fighter 4 s'appelle Will Tupac ou le Toops, avec son fameux donnez-moi mon argent. Chaque fois je rencontre ça. Voilà, il y a les connaisseurs, ça fait plaisir. Et bon, et bonsoir au Toops. Ah, bah oui, le Toops. Quelqu'un que j'aime bien. Ah, bah le Toops, bah bien sûr. Bon, sur le coup, on va pouvoir passer à notre sujet principal de ce soir. En 2018, à la grande surprise générale, parce que moi-même je ne m'y attendais pas, nous avons joué beaucoup. À des jeux vidéo. Beaucoup. Pas beaucoup. Beaucoup, oui, sans doute. Beaucoup trop. Beaucoup trop pour des adultes responsables. Mais oui. Toutefois, nous avons envie ce soir de mettre en avant des jeux que nous avons aimés, que nous avons découverts cette année. Alors, on va y avoir de tout, du rétro, du indé, du triple A... On fait pas les choses comme tout le monde. Nos GOTY, en fait, ne sont pas des jeux de 2018. Et bref, donc, sur le coup, mon assistante vient de tirer au sort le premier qui va commencer dans cet exercice, et ce sera moi. Ah, bah vas-y, Beyond, donc. Bah non, elle a dit moi. Ah non, je suis désolé. Alors... alors, juste, il faut que je dégaine quoi Je vais te tenir au cap, je te promets. Il faut qu'on dégaine quoi? Notre meilleur jeu ou juste un jeu qu'on a aimé ou... Ah ben, voilà, comme tu veux, vas-y. Comme je veux. Alors, puisque j'aime bien être un troll, cette année, j'ai joué sur PC à un jeu que j'ai bien aimé, qui s'appelle Final Fantasy XV. Pardon. Parce que oui, j'ai joué à FF15 un an et demi après tout le monde. J'ai profité de la sortie PC pour le découvrir. Et malgré des défauts de narration apparents, je me suis amusé sur ce jeu. Voilà, j'ai même fait sur Steam, c'est pas le platine, mais c'est l'idée quoi. J'ai chopé tous les succès, j'y ai joué 183 heures, donc ça veut dire que voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Et même si je comprends tout ce qui lui est tombé sur la gueule en termes de critique, eh ben il y avait des trucs sympas quoi. Voilà, il y avait des séquences stylées. On comprend rien à l'histoire parce qu'elle est pas racontée. Non mais le parti pris. Quand tu dis ça, ça me fait mal au cœur. Moi je joue à RPG parce qu'on me raconte une histoire. Le parti pris de l'histoire. Ouais c'est ça. Non mais le parti pris de l'histoire, mais même Tabata à la fin, il a dit c'était une connerie. Le parti pris de l'histoire, c'était on vous raconte l'histoire du point de vue des yeux du personnage. Donc effectivement, même s'il se passe des trucs super importants dans le monde autour, eh ben vous le saurez pas, ou vous le saurez dans un bout de journal ou un truc à la radio. Donc oui, non, mais le coup de la radio, en plus, c'est sur un truc super important. Donc, mais il se trouve que dans la réédition auquel j'ai joué sur PC, qui bénéficie donc de tous les patchs, eh ben il y a un moment dans le jeu en fait où il y a un personnage, alors je ne dirais pas qui, hein, bien sûr, je ne sais pas passer, mais qui nous explique tout ce bordel et qui nous explique le tenant et les aboutissants. Et quand tu vois tout ce qu'il te dit, tu te dis « Ah ouais, mais attends, ça, c'est une séquence rajoutée. » Les gens, ils devaient être un peu perdus. Donc, imagine ceux qui ont joué en premier. Pourquoi le jeu est détesté. Voilà. Je comprends. Mais par exemple, il y a le système de combat aussi, je comprends. Il peut rebuter, mais... Je trouve que c'était un point positif. Je trouve qu'il passe. Ouais, franchement, je trouve qu'il passe. Ouais. Et quand on fait les combats les plus difficiles, qui sont d'ailleurs même pas nécessaires pour le. Oui, parce que moi je dis j'ai fait tous les succès, mais en fait c'est pas tous les succès que j'ai fait, c'est que j'ai fait le 100%. Parce que pour avoir le platine, c'est pas dur dans ce jeu, mais pour avoir le 100%, c'est plus compliqué. Et pour faire certains combats optionnels, il faut se creuser les méninges un petit peu. Et ça passe. Par contre, et ça, je suis intransigeant. C'est un défaut majeur du jeu. La caméra, elle pue du cul. Mais je suis d'accord. Mais à un stade, c'est-à-dire, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de commenter le speedrun et je mettais plus l'appui sur la gestion de la caméra du runner que sur le reste parce que c'était vraiment exceptionnel ce qu'il faisait le gars. La caméra était toujours bien placée et tout. Tu le sais quand toi tu y as joué. Ah ouais. C'est totalement. Hein, c'est... Et de manière générale, même quand tu parlais des combats. Des choses oubliées entre guillemets comme la transparence sur les éléments pour continuer à voir ton perso tout le temps, c'est vrai, c'est des petits détails ça quand même qui fâchent, c'est vrai mais voilà, pour un jeu qui a été aussi mis longtemps à développer, après c'est des ressentis, moi les gens savent mais dans la partie on va dire histoire et tout, voilà, jusqu'au chapitre jusqu'à Alticia, franchement j'ai trouvé le jeu qui était vraiment cool. Après honnêtement c'est que le jeu a probablement une des plus belles bandes son de cette génération, c'est sans déconner. Ah oui, la musique c'est pareil, c'est sans faute. Mais la musique c'est sans faute, par contre, des fois il lance des musiques à des endroits chelous. Hein. Tu marches dans l'herbe et puis d'un coup t'as une musique hyper symphonique et tout. C'est un sans faute, mais n'oublie jamais que la musique elle avait déjà été finie avant La musique a été finie. J'ai entendu sa partition, elle savait même pas que le jeu il était pas encore sorti. Quand on lui a posé la question, c'est la première étonnée. Mais vous savez que le jeu il sort. Puis il n'est pas déjà sorti. Rassure-nous quand même d'un point de vue technique sur PC. C'est mieux que sur PC. Quand t'as des chevaux qui tirent le truc, c'est mieux que sur console. Alors, les gens se sont plaints. Là, je peux en parler parce que je l'ai racheté sur One pour la version One X en fait. Ouais. Et du coup, par rapport à la version PS4 Pro que j'avais fait, il y a un gap, hein, je le reconnais. Hein. D'accord. Je sais que moi sur PC, je me souviens plus déjà avoir eu de bugs bloquants ou des trucs chelous, là, avec les soleils qui tombent du ciel et tout. J'ai vu plein de clips bizarres. Les invocations dans les murs, parce que moi j'avais une cinématique d'invocation où l'invocation était venue s'incruster dans un mur, mais la cinématique avait continué. Quoi. D'accord, pas eu trop de soucis. Les gens se sont plaints en fait de l'optimisation, alors que non, au contraire, le jeu tourne sur des petites bécanes. C'est juste qu'effectivement, si vous mettez le Nvidia AirWorks, le machin, tout le tracé fixe, toutes les options de la mort, oui, le jeu il est survénère. Hein, par contre, avec tout à fond, il faut une putain de machine. Par contre, le jeu peut tourner sur des très petites bécanes. Donc voilà. Et je l'ai trouvé très beau. T'as téléchargé 200 gigas mon jeu là il pèse. Sur PC, ouais, mon jeu, parce qu'en plus j'ai joué en 4K et tout là. Le jeu il pèse 180 gigas, je crois, je sais plus. Enfin, c'est massif quand même. Wow. Mais voilà. Je me rappelle, moi, quand il jouait, j'entendais beaucoup de phrases à la Beyond, hein, c'est-à-dire des hurlements. La Beyond, la... c'est breveté, ça 150 gigas le jeu sur PC. Mais oui, parce que la caméra, hein, la caméra faut pas. Hein. Je trouve, du coup, j'en ai pas parlé, je trouve que la relation avec les personnages marche bien aussi. Même si l'histoire... tu parles des 4 héros. Mais la relation avec le perso marche bien. Est-ce que tu as joué en VF ? J'ai joué... sur Prompto ? Non, j'ai joué en version japonaise sous-titrée français. D'accord, oui, bah, t'as fait comme je fais pareil. Et coucou Bigornob. Et voilà. Donc voilà. Mais après, j'ai bien... c'est pas mon FF préféré. Loin de là. Mais t'as passé quand même... Moi, je le mettrais dans la catégorie des bons petits jeux. Malheureusement, c'est un jeu qui a pris 10 ans de développement et je sais pas combien de millions de budget. Donc c'est dommage, mais... Tellement que Tabata s'est fait... on lui a montré la sortie. Oui, il s'est fait... ouais. Et ah, petite nuance aussi, bah, j'attendais les DLC. Parce que le dernier DLC qu'ils avaient fait avec Ignis, il était très bien. Et d'un point de vue scénaristique, il était super, vraiment. On n'aura pas les DLC annoncés. Et donc annoncés. Du coup, je pensais pas que tu l'avais apprécié au final. Moi, je pensais vraiment que tu étais resté sur un avis négatif. Non, je l'ai bien aimé. Qu'est-ce que je dis ? C'est un bon petit jeu. Ouais, pour moi, c'est un petit jeu, tu sais, un bon petit jeu. Donc, je veux dire, si on devait donner une note, c'est 13-14, quoi, tu vois. Enfin, c'est... On peut mieux faire, mais... Non, mais moi aussi, j'ai apprécié le jeu, complètement. Voilà. Mais bon... Et la pêche, j'ai kiffé la pêche. Ouais. J'ai kiffé le jeu de pêche. La pêche était rigolo, je suis d'accord. C'est vrai que la pêche est... J'ai kiffé le jeu de pêche, voilà. Et le donjon avec les sauts, là. Dis-toi que Tabata ne l'a jamais fini, il n'a pas compris comment ça se jouait. Ah oui, non, je comprends. Ah oui, non, mais à partir de là, tu te dis qu'effectivement, il y avait un problème. Bon, tiens, Bozdik, puisque tu as envie de parler, on va arrêter de parler de Batata, et toi, tu vas nous dire... quel est un de tes jeux de l'année? Je me suis aperçu que j'avais pas beaucoup joué. Oui, patate. À des jeux de cette année, en fait. Mais si je dois en citer qu'un de cette année qui reste mon GOTY, je pense que tout le monde le connaît. Legend of Frontier. Après, on a dit, hein, t'es pas obligé de parler de jeux de cette année. Non, hein. Non, parce qu'il est pas de cette année, Legend of Frontier. T'es pas obligé de parler de jeux de cette année. Les, années, voilà, les jeux que tu as joué cette année, vas-y, dis. Yakuza 6. Ah, bah oui. Ah ben je suis presque surpris. Donc Yakuza 6 t'a plu à ce point-là? Je suis fan de Yakuza. C'est même si le jeu est moins bon que les autres, parce qu'on sent les soufflements, on sent les soufflements de la formule. Le jeu il est comme Kiryu, il est vieux, il est usé, ça se sent. Mais pour le coup, c'est un jeu de cette année quand même. C'est Yakuza quoi. Moi j'allais dire c'est ma déception de l'année Yakuza 6. Merde. Moi je peux pas. Mais il est bien, hein. Non, mais attention, c'est un bon jeu, hein. Mais après, Yakuza 0, qui est mon GOTY de 2017, et qui peut-être... Toi, tu connais moi, Yakuza, moi, j'ai vu l'évolution. Ouais, c'est... Mais c'est peut-être même mon GOTY, je crois, de cette gêne, peut-être, Yakuza 0. Sur PS4, il propose, là, on peut refaire une rétrospective de son jeu sur PlayStation 4, en fait, sur un site, là, tu cliques, et paf, il te dit, voilà, vous avez joué tant d'heures à tel jeu, enfin, c'est rigolo, et c'est Yakuza 0 est le jeu auquel j'ai le plus joué sur console ces 5 dernières années, peut-être hors Xenoblade Chronicles X, c'est-à-dire j'ai joué 280 heures au jeu, Yakuza 0, et j'attendais Yakuza 6, mais pour moi, Yakuza 6, ça allait être le messie, le truc qui allait tout nettoyer, et il est très bien, mais... Je peux comprendre la déception, mais moi, comme je joue au Yakuza depuis longtemps, très longtemps, voir la fin de l'histoire, c'est quelque chose. Mais t'as plus d'attachement au personnage. C'est ça, j'ai un véritable attachement. J'aime Yakuza. Mais le souci, c'est que je trouve qu'ils ont pas assumé leur fin, moi. Je vais rien dire. Ouh là, j'ai failli. ils ont pas assumé. Mais oui, je trouve le système de combat moins percutant. Il y a moins d'action de hit. Il y a moins de choses, c'est moins... Mais pourtant, j'ai éprouvé un plaisir immense à y jouer. À la fin, ça m'a fait quelque chose. Donc je sais qu'il n'est pas considéré comme le meilleur des Yakuza, mais pour moi, ça reste quand même le jeu qui m'a le plus. C'est le jeu qui m'a juste plus. Si quelqu'un de la team qui a fait le jeu nous écoute, la séquence où il faut calmer le bébé... Ouais, non, jamais. Mourez. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi j'aime Yakuza. Oh mon dieu. C'est pour ces séquences-là qui sont totalement surréalistes dans un jeu. C'est Yakuza. Avec mention spéciale où quand t'as une baston, donc quand t'as le bébé dans les bras et que t'as une baston, t'as Kiryu qui regarde 2-3 pelos dans la foule et qui dit tiens-toi, tiens-le 2 secondes et je vais leur casser la gueule. C'est ça, oh, tiens, prends ça 2 secondes. Je... c'est n'importe c'est quoi. C'est Yakuza quoi. Mais ouais, ouais. Donc ouais, moi le 6. Yakuza 6 donc. Pas Kiwami 2, c'est toi c'est Kiwami 2, j'ai pas encore joué. Ah d'accord, ok. Moi non. Ça aurait peut-être été Kiwami 2, mais là dans l'absolu, ouais, c'est le 6. Ok. Bon, le tirage au sort à côté de moi vient de déterminer que le suivant à passer était Monsieur Cho. Super. J'ai acheté 3 jeux cette année. Sur les 3, il y en a 2 qui m'ont déçu, mais enfin, voilà. Bah, ça peut être ton GOTY de la déception. Hein. Bah en fait, ouais, c'est le GOTY. En fait, j'en ai même pas de GOTY cette année, parce que j'ai pas acheté beaucoup de jeux, j'ai pas joué à beaucoup de jeux hors ce que j'avais en collecte. Mais bon, on va prendre le dernier que j'ai acheté. Ça peut être des jeux de ta collecte que t'as découvert aussi, ou des jeux sur... Enfin, oh, attends, j'ai découvert un gros jeu de chiasse avant-hier quand j'ai un pote qui est venu, tu sais, je pense que vaut mieux pas en parler. Je le garde pour une prochaine fois. Donc ouais, du coup, on va prendre un truc récent. On va sur le Calibur 6, qui est franchement pas mal. C'est pas mon... Effectivement, Capsaver, je reste sur Isaac. Mais voilà. Isaac, ça fait combien d'années aussi que j'y joue. Non, enfin bref. Donc, sous le Calibur 6, ouais, c'était pas mal. J'ai pas rejoué depuis un tournoi que j'ai organisé il y a maintenant plus d'un mois. Alors, je m'y remets sérieusement. T'es joué à The Witcher 3 hein. Oui, oui, oui. J'ai pas joué en ligne, donc pour le coup, j'ai pas testé vraiment ce que donnait l'online, à part peut-être pour quelques matchs, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est FighterZ, par contre, que j'ai pas testé le en ligne. Ouais. Franchement, pas mal. Graphiquement, je trouve pas le jeu super beau, par contre. Mm-hmm. Assez déçu de ça. J'ai l'impression que c'est un jeu 360 en un peu plus beau. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai pas pris vraiment une énorme claque. J'aime par contre particulièrement pas le système de furie à un bouton. Non. C'est la furie du pif, en fait. La furie du pif pour les nuls. On sera revenu à Street Fighter 4 Vanilla, mais en mode pour la super avec un bouton. Mais sinon, c'est franchement pas mal. Il y a quand même des persos dedans qui sont assez contestables. Notamment Yoshimitsu, voilà. Juste pour savoir... T'as mis le meilleur perso. Ouais, vas-y. Meilleur perso. Un perso en slip. Hein. Perso en slip, effectivement. De cuir. Ah ouais, là, oh, putain, il est dégueulasse en plus. Il est parfait. Oui, non, mais... Il est parfait. Autre chose par contre, que j'ai absolument pas apprécié lors des quelques matchs que j'ai fait en ligne, c'est l'aspect customisation des persos. Où tu te retrouvais avec des persos avec des couleurs, mais qui piquent les yeux. C'est ce que j'allais dire. On voit circuler sur Twitter beaucoup de customisations assez folles. Ah non, mais le truc de perso, il est... Ah mais moi, je pensais que c'était du fake, parce qu'il y en a qui refloutaient carrément des freezers et tout ça, je pensais que c'était faux. Non, c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Ah oui, ok. Et ceux avec des persos avec des bits totalement démesurés, ou... Oui, voilà. C'est du hack, ou c'est aussi... J'ai vu le perso dans un carré, mais pour ce que j'ai vu des trucs avec des persos avec des couleurs fluo. Il y en a un qui avait personnalisé, je sais plus quel perso, il lui avait fait une tête façon Pikachu, tu vois, avec des oreilles. Oui, j'ai vu le perso, il était jaune, ça piquait. Oui. Mais le freezer était bien fait, hein. Franchement, il y a des trucs. Je crois que j'ai dû faire de mémoire 4 ou 5 matchs, sur les 4 ou 5 matchs, j'ai dû avoir 3 persos, mais... Pouah, ouais. D'accord. Piquer les yeux, c'était vraiment c'est l'enfer. Le jeu, il va bien se vendre aussi grâce à ça. Ça m'a rappelé en fait Street Fighter Cross Tekken avec les couleurs qui te pétaient bien les oreilles, qui te donnaient bien envie de vomir des yeux. C'était super. Sinon, le jeu en lui-même n'est pas spécialement mauvais. Par contre, j'ai vu des bons retours. Il y a quand même des retours qui sont assez satisfaits du jeu. Pardonnez-moi, j'ai pas réussi à couper le micro à temps. Mais du coup, généralement, quand il y a un jeu de baston qui sort, j'essaie de pas me fier à ce que je pense vraiment. Je regarde les gens y jouer. On organise un tournoi il y a maintenant, à son lancement, donc ça doit faire un bon mois, je crois. Octobre, dis donc 2 mois. Et personne ne s'est plaint. Donc pour le coup, c'est que le jeu a l'air de vraiment plaire. Et c'est plutôt tant mieux. Il y a des bons retours. Il y a quand même des bons retours. C'est plutôt tant mieux. Voilà. Donc Soul Calibur 6 par défaut, parce que j'ai pas joué à grand chose cette année. Voilà. Au suivant. Alors sur le coup c'est qui? Parce que. Ah d'accord, Pell, d'accord, très bien. Alors vas-y, Pell alors. Non, moi j'ai revendu mes jeux vidéo. Alors, Spell, moi je sais, il a fini au moins un jeu cette année. Donc... Ah ouais, attends, j'ai la liste. Non, non, attendez, c'est pire que ça. Alors, c'est peut-être pas celui-là qui va parler, mais. Hein, j'en ai fini trois. Non, j'y crois même pas. C'est un jeu ? Mais c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mais alors, justement, t'as raison, moi, en disant, je vais parler d'un jeu que j'ai fini, évidemment, c'est celui. Et c'est un jeu qu'on a en commun, qu'on a absolument tous joué ici, sauf Monsieur Chou. Ah. Ok. Et c'est Spider. Ah oui, Spider-Man. Ah oui, il attaque direct, c'est... voilà. C'est... Bah oui, là, je reviens à les gros hits de l'année, il s'est même, dit, hein. Il s'est dit, des fois que j'ai pas le temps d'en parler, vite. Ouais, bah, c'est, ça a été un énorme. Mais je vous l'ai dit, hein, je vous ai bassiné avec ça, mais j'ai vraiment été complètement émerveillé. Non, mais vraiment. Attendez, je le mute, hein, c'est bon, je... Donc là, Beyond. Non, mais non, je déconne. Non mais j'ai vraiment adoré le jeu quoi. Bon, déjà je suis vraiment déjà base de Marvel, pas tout Marvel hein, franchement j'en lis pas tant que ça, et je me suis même coupé beaucoup de ces comics. Et Spider-Man, qu'est-ce qui se passe? Non mais tu dis je suis pas beaucoup fan de Marvel, je me suis coupé de ces comics, et ben, je me dis la vache s'il avait continué. Il y a rien quand même, c'est que quand j'ai acheté le jeu je me suis remis là-dedans un peu quoi. Ah, ouais. Ça m'a fait replonger là-dedans. Et notamment des Spider-Man, des Dark, tout ça. Et j'ai trouvé le jeu vraiment génial, quoi. Tout l'univers et tout. Alors, ça reprend pas, tu sais, tout cette lourdeur des. Et même dans les films, c'est de reprendre un personnage à zéro, savoir comment il acquiert ses pouvoirs et tout ça, même si c'est des parties assez plaisantes. Mais là, on ne voit pas tout ça. Et là, on commence d'emblée avec un Peter Parker qui casse tous ses pouvoirs. Et d'ailleurs, le jeu commence comme ça. On est directement éjecté dans la rue, à se balancer de toile en toile, hein, comme un Spider-Man classique. Ouais. Et justement, le gameplay est absolument génial. Quoi. Il m'a fallu quand même une heure ou deux pour m'adapter. Je crois que toi aussi, Bozdik, hein, au début. Ah oui, non, mais je pense qu'on est tous. Au début, j'ai du mal. Moi, c'est surtout par rapport à l'esquive. On a posé plus de problèmes. Oui, dans les grandes lignes, c'est vrai que c'est assez proche d'un Batman. Hein, mais c'est beaucoup plus speed, mobile et plus réactif. Quoi. Ça, c'est clair. Mais pour ce qui est de la balade, justement, de toile en toile dans la ville. C'est vraiment super agréable quoi. Au point même que je l'utilisais très très très rarement des modes de déplacement automatique, rien que pour le déplacement en toile que j'ai trouvé vraiment génial. Et moi, Beyond the Seed. Je pense oui, ce qui est vraiment le plus réussi, c'est ce New York. Extrêmement vivant. Oui. Magnifique, avec des effets vraiment super chiadés, une réalisation vraiment superbe de la part d'Insomniac, qui avait déjà réalisé de fabuleuses choses avec Ratchet & Clank sur PS4. Ouais. Avec tout en justement, suivant les heures de la journée, de nuit, souvent sous la pluie ou par temps ensoleillé, c'est vraiment incroyable. Quoi. Et... Par contre, voilà, sur le coup, le jeu. Il n'invente pas l'eau chaude à aucun moment. Non. Il est plutôt court en ligne droite. Hein. En ligne droite, on est sur du 10-15 heures. C'est quand même. Et même moins. Le platine, il a été fait en 25. Ouais, non. Le jeu, il y en a même qui annonce 8 heures en ligne droite. Hein. Voilà. Un platine en 25 heures. C'est que le jeu, il est court. Je suis pas quelqu'un qui platine. Ouais, mais j'ai pas mis 10 heures pour terminer. Il y a pas mal de clins d'œil à gauche et à droite, dont certains clins d'œil sont liés à des trophées, justement. On a vraiment un univers qui est bien foutu. On sent qu'on a une espèce de super mise en bouche. C'est ça, c'est une ébauche. Avec une promesse de jeu, parce que. Il sera sans doute pas le seul, c'est ce que laisse entendre de toute façon l'affaire relativement ouverte du jeu. Oui. J'espère qu'Insomniac va nous offrir. Moi je le trouve un peu sévère parce que je le vois plus qu'une mise en bouche. Faut pas... C'est une totale mise en bouche. Parce que moi je trouve vraiment bien en l'état quoi. Je veux dire, t'as les méchants, alors évidemment tout n'est pas parfait, tu sais, avec les affrontements en deux par deux, même s'ils sont pas tous deux par deux en réalité, hein. J'y repense, il y en a que certains. Comme tu dis, t'as tout le background derrière avec les allusions avec les autres univers Marvel, justement, puisque Spider-Man n'est pas le seul à se déplacer dans New York, hein, dans cet univers. Ouais. Et toutes ces allusions là, et puis tous les scénarios qui s'accumulent dans cette ville, parce qu'on suit Peter Parker, mais t'as plusieurs chapitres en fait. T'as la partie Wilson Fisk avec le Caïd, t'as la partie avec Tante May pour Martin Lee, tu sais, t'as la partie avec le Docteur Octavius, t'as vraiment mais plein alors, d'univers ouais, d'histoire. Mais c'est super court. Ça s'enchaîne logiquement. Et moi, ça m'a tenu en haleine vraiment pour savoir. Ah, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Mais quand on te dit qu'effectivement c'est qu'une mise en bouche, c'est que le traitement des personnages, effectivement, il est, on va dire, on passe dessus assez vite. Moi, ouais, je trouve pas. Parce que Martin Lee, il est bien expliqué. T'as même sa biographie. Mais parce que c'est l'un des persos les plus importants, donc ils sont obligés. Après, le reste, c'est pas une insulte quand on dit que c'est une mise en bouche. Ouais, c'est pas une insulte. C'est juste que là, effectivement, on a l'impression qu'ils ont pas fini. Mais moi, je trouve. Moi, j'ai adoré le jeu. Hein. Faut partir du principe que j'adorais le jeu. Il y a un manque d'iconisation des derniers boss, en fait. Hein. Ça je le mets dans un point négatif, surtout dans un film de super-héros. Et dans les films de super-héros, qu'est-ce qu'on aime? C'est des méchants où on comprend pourquoi ils sont méchants, leur motivation et tout. Et donc le grand méchant, voilà, lui on comprend. Il y a plusieurs méchants comme ça, on comprend bien pourquoi ils sont là. Et il y en a d'autres vraiment, ils sont les mêmes, balancent même en combat de boss deux par deux. Et du coup t'as vraiment l'impression dans le dernier tiers de jeu quand même tu combats quand même plus de 6 boss en moins de 2 heures et ça j'ai trouvé ça dommage. Oui, c'est pour ça qu'on pense que c'est une ébauche. Mais ça m'a pas empêché de. Parce que il y a une cohérence. Ouais, mais c'est parce que ça fait lien justement aux aventures des Sinister Six, où justement ils les affrontent, tu sais, tous comme ça d'emblée. C'était vraiment pour se dire que le Spider-Man dans la BD est complètement acculé par tous ces personnages en même temps. Mais c'était ça le truc c'est que dans la BD on sait déjà qui c'est je vais pas dire les membres de Sinister Six parce que les gens savent pas forcément on sait déjà qui c'est les membres, on a déjà leur background, on sait pourquoi ils sont là. Les Sinister Six, ils ont changé selon les adaptations. Il y a eu plusieurs Sinister Six. Voilà, c'est pour ça que je dis pas là c'est lesquels en fait. Juste parce que les gens qui connaissent pas Spider-Man ne savent pas forcément. Mais le jeu est une relecture, une nouvelle adaptation avec des embranchements et surtout des personnages entre eux qui n'ont pas forcément ni les mêmes relations ni le même rôle. Voilà. Ça ne choque pas parce que dans les comics, il y a souvent une relecture. Et puis que Spider-Man, et comme dans Batman d'ailleurs, c'est un point commun, il y a souvent une association des méchants pour éliminer le héros. Oui. Tout le temps. Après, c'est pas aussi plus et condensé. Là, effectivement, la dernière partie, elle est très condensée. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est une ébauche et qu'on aura beaucoup plus. Beaucoup mieux raconté, beaucoup plus percutant dans le deuxième. Et surtout. Moi, j'en étais vraiment satisfait en tout cas. Tu peux. C'est pas. Ah oui, oui. Ça ne fait pas un mauvais jeu, comme l'a dit moi. Avec trois fins, parce que en fait, on a trois gros trucs à la fin qui. C'est trucs à la fin. Ouais. Enfin, il y en a un notamment qui est construit tout au long du jeu et se dire. Oui. Putain de merde, on l'aura pas avant le 2, ça? Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est sur notre fin. Moi, je suis sûr, c'est vrai que j'ai été sur ma fin. Voilà. Est-ce que c'est moi Mais ça enlève rien au jeu, il est très bien. Hein. Oui. Surtout, voilà, comme tu l'as dit, hein, se balader dans la ville, le système de déplacement, une fois que tu as compris comment il marche, c'est génial. Enfin, tous les pouvoirs. Dire bonjour aux gens, ça m'a fait rire. Ah oui, les petits chèques là. C'est vrai. Hein. Et puis, tu sais, des give me five, ou alors faire des selfies avec les habitants et tout. Mais tout est bien pensé. Hein, après, moi, j'attends plus des missions annexes. Je veux autre chose que des rip-off de. Prendre cette base avec un tel méchant, on va faire la même avec d'autres méchants. Ouais. Je veux juste un peu pour répondre. Pour répondre vite fait à Icoban, pour moi j'ai fait les deux qui sont sortis des DLC. C'est pas fou, hein. Les retours sont pas terribles pour les DLC. Les DLC sont trop génériques. J'ai un truc à dire qui m'a déçu. c'est la partie Black Cat dans Spider-Man. Ouais. Qui est totalement abusée. Ouais. Et bah, c'est un peu dommage dans le jeu de base comment c'est mis. Et il se trouve que dans le DLC, c'est pas. Enfin. C'est pas mieux. Enfin, elle fait un truc. Ça pour, pour que le personnage, on puisse le voir dans le DLC. Ouais, juste ouais, ouais. Petite mise en bouche, tu sais. C'est un peu salaud. Elle fait un truc dans le DLC, c'est un truc de ouf en vrai, mais globalement, j'étais déçu, quoi. Non, parce que moi, cette partie-là, moi, j'en voulais plus, j'ai pas trouvé ça. En fait, ouais, c'est du pinaillage, hein. C'est de l'ordre du détail parce qu'en plus, ouais, t'es même pas obligé de le faire. J'ai trouvé ça cool, puisqu'en plus, la finalité est quand même pas mal, quoi. Mais bon, non, après, moi, comme je dis, j'ai passé un bon moment sur le jeu, je vais pas dire le contraire, mais ouais, j'en attendais plus. Et puis, comme disait Beyond, c'est vrai que je l'ai pas dit, techniquement, c'est fou. Encore une fois, Digital Foundry a fait une très bonne vidéo qui explique les effets utilisés et comment c'est fait, notamment pour donner l'illusion que les immeubles existent vraiment avec les bureaux, utiliser le motion blur lors des déplacements pour donner cette impression de vitesse, tout ça, c'est vraiment. Les animations de Spider-Man, elles sont trop stylées. Il faut souligner le doublage de Donald Reynou et le doublage en général français. Doublage français est bon. J'ai fait le jeu, c'est rare pour que je souligne. J'ai fait le jeu en français. C'était bien. C'était vraiment bien. C'est merveilleux. Doublage anglais, il est un cran au-dessus encore. Le doublage anglais, c'est un truc, mais de malade. C'est-à-dire que. Je vais en parler un petit peu. Parce que je suis sûr que tu voulais dire ça. Ouais. C'est qu'en fait, il y a eu un double doublage en fait, pour Peter Parker en anglais. C'est que l'acteur qui doublait Spider-Man a fait les voix façon quand il est debout en train de marcher ou quand il est en train de se balancer de toile en toile avec l'effet d'épuisement. Mais c'est pareil dans la version française, ça. Non. Ouais. Ah, mais tu vois, je me posais la question. Non. Mais il me semble qu'il est plus. Il y a des moments où tu le sens beaucoup plus fatigué. Ou alors, ils l'ont fait beaucoup moins que dans la version anglaise, parce que dans la version française, je sais, parce que vu que j'ai fait le jeu en mode difficulté de la mort, là, des fois, je me baladais de toile en toile et des fois, j'avais le même dialogue quand j'étais au sol. C'était la même. D'accord. Dans la version française, les moments où il est fatigué, c'est dans les moments où il paraît fatigué à la voix, c'est quand vous en train de se battre ou autre, c'est parce qu'il est justement dans une cinématique ou autre en train de. D'accord. Après, je dis pas qu'ils l'ont pas fait de manière générale, il y a peut-être des endroits où ils l'ont fait, c'est possible, j'ai pas vu tous les dialogues dans toutes les situations possibles, mais. Voilà. Moins visible en France. On tourne là-dessus pour essayer les autres. Et donc, moi, c'est un gros boulot technique, une belle promesse pour la suite, donc pour, c'est ça. Pour pouvoir se battre contre le bouffon vert et Venom, hein, qu'on attend, que tous les fans attendent, parce que c'est vraiment les ennemis iconiques de Spider-Man. Quoi. Oh, bah, je sais pas, il en a 10 iconiques, je trouve. Spider-Man, c'est comme Batman, il en a 10 iconiques. Je trouve. C'est mystérieux. Quoi. Ouais, mais ce que tout le monde connaît, c'est quand même. Le bouffon vert et Venom, je pense. Il y a un symbiote dedans. Il y a quoi? Carnage. Il est dedans. Carnage. Non. On n'a pas de nouvelles, je sais pas. D'accord, ok. Bon, il apparaît plus tard, hein, Carnage. J'attends qu'il se batte contre Capitaine Caverne. Là, hey, tu rigoles, c'est la Capitaine Caverne dans le jeu, je l'achète direct. Il n'y a pas Spider-Gwen, mais c'est pas le même univers. Mais pareil, Spider-Gwen, quel nom de merde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais ne parle pas sur le nom de merde de certains. Mais pourquoi ça s'appelle pas Spider-Girl ou Spider-Woman, Spider-Gwen? Je vais mettre mon prénom dans mon monde super-héros. La traduction en Green Goblin, bouffon vert, bouffon. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, non, mais. D'accord. Ouais, c'est vrai, il a raison. C'est une goblin. Mais là, c'est dans la VF, dans la VO aussi, le Spider-Gwen. Mais bon. Spider-Cochon. Ouais. Alors, c'est pas Spider-Cochon, Coban, c'est Spider-Ham. Il existe vraiment, hein. Non, par contre, rigolez pas, il existe vraiment. C'est que j'imagine Spider-Cochon se battre contre Spider-Man et j'ai bien d'avoir une image assez. Spider-Ham et. Non, bah je vais pas spoiler un truc, mais Spider-Ham, c'est pour le jeu de mots, ouais. Ouais, bon. mais il existe, il y a vraiment un comic Spider-Ham et tout. Ouais. Avec des. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Et du coup, c'est un gros truc parodique et des fois il rencontre d'autres super-héros, pareil, complètement détournés. Non, mais pire que ça, c'est pas Peter Parker, c'est Peter Porker. Je te jure, c'est vrai. Oui. Pardon, j'ai rien à dire. Et du coup, il rencontre des héros détournés. Donc tu vois, tu vas avoir des Captain America, ça, je sais plus, enfin Captain Jean, enfin ouais. Et il y a même Ant, du coup, parce que c'est une fourmi qui est devenue une fourmi. C'est what the fuck, hein, ce comics. Hein. C'est très bon. C'est très très bon. Merci pour ce moment. Voilà. Et donc, je vais devoir passer après ça. Ouais. Mais oui. Bon courage. Merci, s'il te plaît. Bon, très bien. Alors, je vais vous parler d'un de mes jeux de l'année. Peut-être oui. Le jeu sur lequel j'ai passé le plus. Un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année. Ouais, et celui sur lequel t'as plus crié ? Mon Némésis. Et à la fois celui que je préfère, la dernière aventure de Commander Vidéo en date. Mmh, évidemment. Le jeu de Choice Provisions, Runner 3. Ah oui. La Runner 3, qu'est-ce que c'est ? C'est la suite de Runner et de Runner 2. C'est de l'amour. Est-ce que de l'amour, c'est que du bonheur ? Pardon. Runner 3 est sorti donc en début d'année, dans un premier temps sur Switch et sur PC. N'étant pas un PCiste, je l'ai acheté sur Switch. Et j'ai découvert un jeu donc, qui est dans la lignée directe de Runner, c'est des Runners. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est un Runner, c'est ce que c'est un Runner. Hein. Le but du jeu, c'est de sauter, frapper, se baisser au bon moment. Ça, c'est la théorie. En pratique, là, on n'est pas sur un écran tactile d'un téléphone portable, on est avec une manette dans les mains. Et donc, sur le coup, le jeu, il sait que vous avez de meilleurs temps de réaction avec la manette dans les mains. Et donc, il va rapidement se être méchant. Là où le 2 était plutôt accessible, le 3 va être assez rapidement tendu et va finir en apothéose avec des niveaux dits impossibles qui, voilà, littéralement, je n'ai pas réussi à les passer tous sur Switch à cause de la technique sur Switch qui est défaillante, des quelques ralentissements qu'il y a sur la console et de l'input lag qui est parfois un peu limite. Mais sur le coup, ben j'en avais gros, messieurs. On en a gros. Le jeu est ressorti sur PlayStation 4 là, en fin d'année avec pas mal d'ajustements. Je l'ai racheté sur PS4 et je me suis remis à y jouer. Là, la technique ne faisait plus défaut au jeu. Et donc, c'était moi, face au jeu et face à ces niveaux impossibles, que j'ai enfin réussi à terminer complètement. Le jeu a été grandement amélioré par rapport à ce qui était au début de l'année, avec beaucoup plus de choix, notamment de difficultés, avec plein de petits tweaks qui permettent à tous les joueurs de s'amuser et qui donnent plus l'impression de l'austérité totale du jeu qui dégageait avant. Ce qui est très paradoxal parce que le premier runner, c'est un jeu très radical avec un design 8 bits. Et une difficulté super mal branlée parce que c'était vraiment le premier et qu'ils avaient une idée et qu'ils sont allés jusqu'au bout. Runner 2 avait réussi à s'ouvrir au grand public, avait fait un carton parce que le jeu était très progressif, très agréable, prenait le joueur par la main, lui apprenait à jouer vraiment au fur et à mesure, elle était très bien. Et avec Runner 3, ils sont revenus à le jeu dès le début, il dit « là tu vas apprendre à jouer et ça va pas être agréable ». Et surtout donc, enfin, je voulais dire, le jeu introduit une mécanique de gameplay supplémentaire qui fait toute la qualité de ce jeu, outre ça, parce qu'on en a parlé, sa réalisation, et en particulier sa direction artistique, un peu dégueulasse par moment. Hein. Voilà, c'est très très très, voilà, what the fuck. Si les gens vous connaissez le dessin animé Angela Anaconda... Ah, j'aimais bien ça. Ben voilà. Mais... Où que j'aille, je vais être obligé de mettre le générique sur le chat maintenant, Bozik, t'es content ? T'es content ? Hein ? Oui. Tu vois ce que tu fais ? C'est l'Angela, c'est mon nom ! Oh là là, c'est terrible. Ce qui fait tout l'attrait de ce Runner 3, c'est qu'ils ont rajouté une mécanique, une petite mécanique de rien du tout, qui rend le jeu génial. Dans le 2, la mécanique rajoutée, c'était la danse, qui vous laissait donc danser pendant les moments où il se passait rien, pour accumuler le plus grand nombre de points possible. Mais il ne fallait pas trop le faire, sinon vous n'aviez pas le temps de finir une animation de danse avant l'obstacle suivant. C'était optionnel, c'était rigolo, ça mettait beaucoup de sel à ceux qui avaient envie de scorer. Dans le 3, ils ont rajouté quelque chose qui non seulement permet de scorer, mais qui en plus est obligatoire au bout d'un moment, c'est le cancel de saut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une action de sauter, vous pouvez appuyer en suivant sur bas pour que votre saut soit cancel et que vous retombiez droit au sol très rapidement. Je ne vais pas cacher à ceux qui veulent jouer au jeu, tant que vous ne maîtriserez pas le cancel, vous serez incapable de passer les niveaux les plus durs. Oh, c'est comme ça. Le cancel, ce ne sont pas les plus durs. Hein. Voilà. C'est Street Fighter 4 en fait, avec les focus avant d'un cancel. Ouais, c'est... Mais là, tu nous le présentes quand même comme un jeu hyper élitiste. Alors, c'est ça le problème. Il a été fait comme un jeu élitiste, ouais. Mais il a été vendu dans le but de toucher le plus grand public possible. Et bah. Choice Provision a fait des mauvais choix, justement, par rapport au jeu lui-même, ouais. Qui fait qu'il n'a pas si bien marché que ça, parce que le fait de choisir la Switch comme console exclusive pour le sortir au début à un tarif assez élevé, je crois que c'était une quarantaine d'euros, les joueurs Switch, ils n'ont pas compris. Les joueurs Switch, ils ont dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ouais, c'est chaud. Plus, pardon. Excusez-moi. Puis il y a quelques nos oreilles aussi, elles ont souffert. Désolé. Quelques petits... Ah, vos oreilles. Ah, ah bah oui. C'est un jeu où, faut pas se mentir, sur les niveaux impossibles, j'ai eu besoin de plusieurs centaines d'essais par niveau avant d'arriver à me caler correctement. Les timings sont extrêmement serré, tout est faisable humainement, mais va vous demander une mémoire musculaire, voilà. Ça reste un jeu très particulier, un jeu de niche, un jeu que seule une minorité vraiment vont apprécier. La bande son est fantastique, comme d'habitude, en même temps c'est un jeu de rythme, donc ce serait dommage que la bande son soit loupée. Voilà, bref, j'ai pas grand chose à dire, à part à 20 balles sur PS4, allez-y les yeux fermés. La version Switch, je la déconseille pour les petits soucis techniques dont j'ai parlé avant et la suspicion d'input lag qui rend le jeu quand même beaucoup moins agréable. Ouais. Sur PC, le jeu est pas mal, quoiqu'au niveau optimisation, apparemment, c'est pas fabuleux. Genre, il faut une bécane assez costaud pour faire tourner le jeu à 60 fps constant, alors qu'à l'écran, il n'y a pas grand-chose à afficher. Mais voilà, ça a été un de mes meilleurs moments cette année. Donc, je suis un grand fan de la série. Donc, franchement, moi je comprends l'addiction au jeu, hein. C'est t'enchaîner parties rapidement et tout ça, je vois bien. Donc... Bah, en plus, moi c'est un jeu que je déteste jouer parce que j'y arrive pas. Et celui-là, par contre, j'ai apprécié le regarder en stream. Ah oui, ouais. Alors que le deuxième était beaucoup plus épileptique pour moi. Oui, mais c'est parce que toi t'es une groupie, là, il y a ton chichaïou. Celui-là est plus lisible. Non, mais même sans ça, hein. Même sans ça, de base. Hein. Donc, Chichaïou, il l'a fait, alors forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, effectivement, c'est pas de ma faute s'il joue avec les fesses et qu'il le finit les yeux fermés. Donc, voilà. Donc, Beyond, au Stunfest 2019, fera du powerplay de. Ouais, on veut voir ça. De Beat Trip Runner 3. Vous l'aurez entendu si. Bah, c'est pas très gentil ça par contre, hein. En tout cas, si c'était pas volontaire, c'est magnifique. Ouais. C'est beau ça. Bon. Bah, c'est à moi. Vu que j'ai perdu mon assistante, bah, allez-y au pif. Bah, on refait l'ordre qu'on a fait tout à l'heure ou. Bah oui. Bah, du coup, c'est moi alors. Ouais. Alors. Je sais pas, parce que je vois le temps qui file, je me dis j'aurai pas le temps de parler de tout ce que je veux, mais je crois que je suis quand même obligé d'en parler. Cette année, j'ai joué à un jeu rétro. Enfin, j'ai joué à plusieurs jeux rétro. Il y en a un particulièrement qui m'a marqué. Un jeu Saturn. Un jeu avec un héros en armure verte et des cheveux blonds. Ouais. Dark Savior sur Saturn. Avec une 3D... Un jeu en 3D isométrique. Ah oui, avec un seul de Street Fighter. C'est une 3D isométrique, mais que tu peux quand même bouger la caméra, mais que. Bah, t'as pas joué à des jeux que t'as aimé cette année. C'est. Hein ? Mais il l'a aimé, à sa manière. Bah, le premier, j'ai parlé d'FF15, j'ai dit que c'était sympa. Dark Savior, c'est un jeu. Je vais peut-être pas en parler trop rapidement. C'est un jeu que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne le déteste pas. On va appeler ça comme ça. C'est pas le jeu. Fait en stream quand c'est foutu de ta gueule. C'est pas le jeu que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne déteste pas ce jeu. Des fois, tu vois, c'est les mystères de l'amour. Ah tu oui. Peux pas savoir. Non mais c'est à dire que. Jean-Luc Azoulay. C'est à dire que le jeu. les angles de vue sont tout est fait en sorte pour que tu meurs dans ce jeu. Donc c'est un jeu d'action aventure où tu vois pas où vont tomber tes sauts, en gros, hein, on va la dire simple. Tu as un système de combat très bizarre où dans Landstalker, c'était un jeu d'action aventure à la Zelda, quoi. T'avais les ennemis, tu sortais ton épée, tu tapais, voilà. Là non, quand il y a un combat, en fait, tu rentres dans une espèce de jeu de versus à la Street Fighter presque, j'ai envie de dire, mais avec des contrôles, mais enfin il y a une martingale, hein. D'ailleurs c'est Billion qui me l'a prise, hein, où, voilà, où on se place à bonne distance et on donne le coup au bon moment et l'ennemi en gros il fera rien, quoi. Il y a des énigmes par contre que j'ai trouvé plutôt sympathiques, et surtout il y a un scénario, une narration et une ambiance par contre qui sont extrêmement bien réussies, je trouve. Ah oui, j'avais envie de dire, c'est ça qui t'a plu, le scénario. Que au départ, quand tu commences le jeu et tu fais le premier scénario, tu te dis, jamais tu te doutes de jusqu'où ça va aller. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu, je vais spoiler mais pas trop, je ne spoilerai pas les fights, mais tu fais le jeu une première fois, tu te réveilles dans le bateau, on te dit ah vite dépêche-toi et tout, puis bah forcément tu te dépêches pas, quoi, parce que tu connais pas le jeu, puis t'arrives et donc tu étais censé rattraper un monstre, enfin tu venais d'enfermer un monstre et le monstre s'est libéré et est parti sur une île, et du coup tout le jeu c'est ça, tu poursuis le monstre sur l'île et à chaque fois il a une longueur d'avance sur toi, et il y a cette ambiance, ce monstre peut prendre l'apparence des gens en fait qu'il tue. Et du coup, ça crée une tension tout le long du jeu, avec tu sais jamais trop où il va apparaître. Tu as des personnages qui cachent tous un truc louche, et tu n'arrives pas à démêler, à savoir ce qui se passe vraiment ici. Ouais. Il y a des musiques et tout, il y a une tension permanente, c'est très bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Il fait partie de la série Demon Stalker ou pas celui-ci ? C'est la même équipe, on va dire. C'est la même équipe. Enfin, c'est une partie de l'équipe. Après, voilà. D'accord. C'est toujours Climax, mais c'est pas, les jeux sont absolument pas liés d'aucune manière. Ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de lien en réalité entre les. Non. Pour savoir s'il fait un peu partie de cette série-là quand même. Quoi. Mais tu vas retrouver des trucs et tu vas te dire ah ouais, ça aurait pu être dans Landstalker quand même. Tout. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, tu finis le jeu. Et là, je ne dis rien, mais je dirais juste qu'il y a plusieurs scénarios. Mais la manière dont ça arrive, tu l'as pas vu venir. C'est pas possible. Et là, au moment d'entamer le deuxième scénario, tu fais waouh, mais c'est vachement bien. Et tu continues. Il y a juste un scénario bonus optionnel à la fin qui consiste en une série de combats. C'est pas bien, c'est la purge, hein, c'est la torture. Ça n'apporte rien en plus, à la limite, ça va pas. Enfin bref. Et il y a plein de petits éléments qui n'ont pas de réponse au début et qui trouvent une réponse, mais genre plusieurs scénarios plus tard. C'est c'est ça qui m'a plu, vraiment. Par contre, en termes de gameplay, à un moment, on te sort des phases, tu te dis non, mais les gars, vous êtes complètement tarés, quoi. Calmez-vous. Oui, il faut préciser au niveau gameplay que lorsqu'on tombe dans le jeu, on perd pas directement de vie ni de la vie. On a un petit oiseau bleu avec nous qui nous sauve, entre guillemets, en nous rattrapant, et qui, sur le coup, ça vous coûte des points. Et ces points-là, plus vous tombez, plus ça vous coûte des points, et moins vous pouvez faire évoluer votre personnage, parce qu'il y a un système d'évolution avec ces mêmes points. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est très vicieux, c'est-à-dire qu'au début, tu dis, bon, finalement, j'ai un peu de liberté, je peux tomber, tout ça, mais non, en fait, il ne faut pas. Parce que sinon, le personnage n'évolue pas et les combats sont plus difficiles ensuite. Ouais. Et le côté vicieux est encore plus loin, quoi. Parce que c'est plus vicieux qu'une 3D isométrique. Hein, parce que comme c'est une 3D, elle peut se permettre de cacher des trucs derrière des obstacles. Parce qu'on peut, parce que les développeurs se sont dit, on peut tourner la caméra, donc ils verront qu'il y a quelque chose. Alors que dans la 3D isométrique, ils cacheront rien derrière. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans Landstalker, ils font exprès de cacher des trucs dans la 3D. Il y a des trucs sales en ce moment. Ouais. Et là, ils arrivent à faire des trucs sales, malgré le fait qu'on peut tourner. C'est pas français ça, malgré le fait qu'on peut tourner la caméra, ils arrivent quand même à faire des trucs sales, notamment dans le dernier donjon. Mais oui, t'as raison, je dis des bêtises. C'est vrai que dans Landstalker, il y avait des obstacles, des escaliers qu'on voyait pas. Les égouts. Les égouts, c'est pas mal, mais dans Dark Savior, le dernier donjon, c'est la caméra est libre. Par contre, notre personnage, il peut se déplacer que en ligne droite. Hein. C'est comme dans Soccer, par contre. Et ils ont fait exprès de mettre des des plateformes ou des pas des couloirs mais des couloirs mais sans mur sur les côtés quoi, donc tu tombes pas tout à fait droit. C'est, ils sont droits mais pas trop, donc t'es obligé de faire un petit crochet comme ça et enfin ils ont fait des trucs putes. Mais voilà, le jeu ouais, rien que pour son scénario, son ouais. ambiance, tout ça, j'ai adoré, mais tout le reste, j'avais mais je crois que j'avais envie de casser ma manette. Hein. pour ceux qui veulent jouer, c'est sur Saturn exclusivement. Ouais. Et il est très conseillé d'avoir un pad 3D. Oui. Le pad qu'il y avait avec Knight notamment. C'est ça. Basiquement, vous allez jouer avec la croix et vous allez tourner la caméra avec le stick. Avec le joystick, ouais. Ah ouais. Voilà. Sinon, la manipulation est plus hasardeuse avec une manette classique. Et voilà. Who's next? Je ne sais plus si c'était Monsieur Chou ou Boss Dick. C'était Boss Dick. C'était Boss Dick, ouais. Bon, bah, vas-y, vas-y. Je vais parler d'un jeu qui n'est pas sorti cette année. Il me semble l'année dernière. Moi, il n'était pas sorti cette année non plus, je tiens à le préciser. Ah ouais? T'es sûr? Bon, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière. Un gros jeu, quand même. Un gros monde ouvert. Ah, je sais de quoi tu vas parler. Un gros monde ouvert. Horizon Zero Dawn. Ouais. Le jeu que je veux faire depuis un an et que j'ai pas eu le temps. Et tu devrais. Parce que j'ai... Ah, j'en doute pas. J'en attendais pas grand-chose. Du moins, voilà, je m'attendais pas à un truc exceptionnel. Hein. Là, c'est les meilleures dispositions, ça. Quand on n'attend rien et que tu... J'ai pas été déçu du voyage. Bon, en fait, c'est un bon jeu. Histoire, on va dire. Simple, mais bien raconté. Un monde massif, vivant. Beaucoup de quêtes annexes intéressantes, ce qui est compliqué à voir maintenant dans les jeux à monde ouvert. De vraies quêtes annexes qui ne sont pas que du ramassage d'objets ou des trucs. Va sauver un type en slip, va faire ça. Là, oui. Il y a toujours un lien avec l'histoire. Voilà pourquoi tu as aimé le jeu, si tu étais sauvé quelqu'un qui était en slip. Ben non, il n'y avait pas. Non, pas après, vraiment. Ça reste un jeu qui, techniquement, même sur une PS4 normale, est. C'est impressionnant. Le détail au niveau des visages, j'ai été bluffé. C'est vraiment magnifique. Et puis même la structure du jeu en elle-même, je sais pas s'ils avaient vu ce que The Witcher, que CD Projekt a fait avec The Witcher, mais c'est assez similaire dans la construction et au niveau de la carte. C'est vraiment quelque chose bien. J'ai passé un super bon moment. Je m'attendais pas du tout à ça, mais. Au final, j'aurais passé 60 ou 70 heures dessus, mais je les ai pas vus passer. Bah c'est bien, c'est ça qui est bien. Donc Sony a confié donc à Guerrilla le soin de réaliser le jeu. C'est une nouvelle IP, c'est le premier épisode d'une nouvelle IP. J'attends, s'il y a une suite, j'attends avec impatience, parce que j'ai vraiment envie de jouer. On n'arrête pas de dire souvent, les gens disent souvent que quand on achète une console de jeu, on choisit les jeux auxquels on a envie de jouer, c'est-à-dire les suites de jeux, parce qu'on a l'impression qu'on joue toujours au même jeu. Ben là, Horizon, sur le coup, il est là pour prouver qu'on peut être une nouvelle IP, s'imposer et proposer quelque chose de vraiment intéressant. Et Aloy est un personnage qui est Elle claque. C'est... Ah ouais, ouais. Il est magnifique, ce perso. Moi, je ne l'ai pas encore fait, hein. C'est pour bientôt, justement. Après, j'ai pas joué au DLC, donc le DLC, je pense que Beyond y a joué. Non, je n'ai pas fait le DLC non plus. Non, moi, j'ai fini que je ne pourrais pas vous dire sur la qualité du DLC, mais le jeu suffit à lui-même, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est... très très agréable à jouer. Les musiques sont des musiques d'ambiance pour la plupart, mais elles sont relativement bonnes. Il y a un tout dans ce jeu, il y a un univers qui est cohérent et on a envie de continuer à évoluer dedans. Il y a aussi un jeu qui vous propose de plusieurs manières de l'aborder. Avec tu peux avoir des choses à distance, tu peux jouer avec des pièges, tu peux. Ouais. Tu peux faire comme moi j'ai fait, parce que j'aime bien l'équipement de bourrin qui consiste à foncer tout droit et finir au corps à corps. Voilà, alors que moi j'ai fait l'inverse, fufu. Il y a vraiment les fameux, comment ça s'appelle, les endroits où on débloque la capacité de pirater les animaux. Oui, voilà. Je m'en rappelle plus, non, mais oui. Bah, il faut, les, C'est quelque chose d'important. Les creusets. Voilà, il faut faire les creusets pour débloquer la capacité de pirater les animaux, pour en plus encore étendre vos capacités, vos possibilités. Ou des fois, vous pouvez même regarder juste les animaux travailler pour vous, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de possibilités. Le jeu, techniquement, est costaud, quel que soit. Oh, c'était le cas aussi, on ne l'a pas dit pour Spider-Man, c'était le cas aussi. Que vous ayez une PS4 Pro ou une PS4 normale, les jeux qui tournent parfaitement. Voilà. Ouais, ça fera souffler un peu plus votre PS4 normal, un peu plus, mais dans des proportions relativement honnêtes. Mais le jeu est magnifique sur PS4 normal, pas besoin d'une pro pour pouvoir en profiter comme il faut. Moi, c'était, je l'avais dit l'année dernière, il me semble que c'était un de mes grands coups de cœur l'année dernière, et ça n'a pas changé depuis. Je confirme. Mais tous ceux qui ont touché, on ressort ravis. Je l'entends tout le temps autour de moi. Voilà. C'est bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Non, je parlerai pas de Darksiders 3 parce que j'y ai joué 3 heures, donc j'ai pas le recul pour dire si c'est bien ou pas. Bah du coup j'en ai parlé, mais bon, voilà. Alors, Monsieur Chou, est-ce que t'avais envie de mettre en avant un autre jeu cette année? Voilà, bah en fait, il reste plus que 2 jeux en fait. Écoute. Ouah, Mario Tennis, Aces, ouais. Oh, c'est pas... Comment dire, le genre lui-même, j'ai rien contre. C'est juste que je le trouve quand même assez mal foutu, en fait, au total. Quand même mieux que la version Wii U. Déjà, on peut déjà lui accorder ça. Ouais, la version Wii U, il n'y avait pas grand-chose dedans aussi. C'était assez chiche en contenu. Hein. Ah, carrément. Hein. Je me souviens même plus s'il y avait du online, déjà. Sur Wii U. Enfin, bref. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, Mario Tennis est en train de devenir quasiment un jeu de baston. Il y a des niveaux de furie à gérer, des machins, le coup des raquettes que tu peux détruire, enfin voilà. Ce qui fait que c'est un carnage, c'est un jeu de tennis sans être vraiment un jeu de tennis. C'est, ouais, c'est un peu fou. Celui d'un 64 était un peu déjà comme ça. Hein. Ah oui, c'était celui sur GameCube aussi, bien sûr. Mais alors du coup, en fait, pour pouvoir quand même jouer au jeu et sans se prendre la tête, bah, faut instaurer des règles un peu bizarres, faut désactiver certains trucs qui sont pas forcément super accessibles. Et là, en fait, le jeu, il peut devenir intéressant. Après, attention, j'y ai jamais joué avec les Joy-Con. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant de jouer avec les Joy-Con, vaut mieux peut-être une manette. Hein. Ouais, et pour le coup, j'ai fait tester des gens, j'ai regardé jouer avec les Joy-Con, au bout de 2 minutes, on m'a dit, vous avez pas de manette, monsieur? J'ai dit, si, si. Avec plaisir, tiens, voilà. C'est pas forcément un mauvais jeu, c'est juste que voilà, en plus ils ont eu une distribution des personnages un peu comme dans Splatoon, en mode bon bah là t'auras tel personnage tel mois, là à partir de ce mois-ci t'auras tel truc. Ouais, je suis pas convaincu, mais apparemment, j'ai regardé avant de démarrer le podcast, le jeu s'est quand même vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Oui, bah après, des jeux Nintendo sur Switch se vendent, ouais. Se vendent très très bien. Ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Alors, pour le coup, ouais, c'est pas... Donc, je prouve que le jeu a quand même été fait visiblement... Bah, dans l'ensemble, les gens ont été satisfaits du jeu. Ouais. Hein, même les tests n'ont pas été... J'ai pas dit que j'aimais pas. J'aime bien, mais le problème, c'est quand tu veux faire venir des nouveaux joueurs, c'est très compliqué, en fait. Apparemment, il y a eu pas mal de mages qui ont amélioré les choses. Je sais pas, hein, mais c'est ce que j'ai pas joué depuis, ouais. Donc peut-être que maintenant il y a mieux, je sais pas. Et je me souviens, à mon retour de vacances, j'ai un pote, vas-y, t'as acheté Mario Tennis, j'ai trop envie de l'essayer et tout. Du coup, il vient, je dis, vas-y, bah, le temps que je sers l'apéro, bah, t'as qu'à faire le tuto. Puis au bout de 2 minutes, il me dit, je comprends pas. Il y a un truc dans le tuto, en fait, qui était super mal expliqué. Et dès l'instant où j'ai expliqué, il dit « Ouais, bah, en fait, ça n'a pas plus de sens, ton truc. » Et finalement, bah, je m'aperçois en fait qu'il y a beaucoup, de gens qui ont eu autour de moi qui ont eu cet a priori, et du coup, ça a un peu tué le jeu. Enfin, pas non plus... Bah oui, par contre, il y a le mode... comment ça s'appelle, ce truc? L'espèce de mode histoire. Enfin bref, je ne me souviens plus comment ils appellent ça. Ah, il y a mode scénario. Oh là là. Mec, c'était chiant. Mais d'un chiant, ce truc. Oh. Oui. Le mode scénario dans celui de l'épisode de GBA était cool. Hein. Je me souviens plus quel match il y avait de l'aléatoire dedans. J'ai dû recommencer mais une bonne quinzaine de fois. Et j'ai même dû le faire en 3 jours pas consécutif, tellement ça m'a gonflé en fait. Et visiblement, j'étais pas le seul aussi à avoir eu ce genre de problème. Donc voilà, le jeu pas mauvais, mais voilà. Cette année, en fait, il y a peu de choses auxquelles j'ai. En fait, c'est particulier. Les trois jeux que j'ai achetés cette année, c'est parce que c'est les trois jeux, j'en avais besoin pour le travail. Donc voilà. Sinon, je pense que j'aurais volontiers fait l'impasse. Voilà. Okay. Bon, Monsieur Pell. Ah là là, j'ai eu beaucoup de coups de cœur cette année. C'était difficile. Allez, cœur d'artichaut, vas-y. Allez, je vais quitter la PS4, même s'il y en avait encore 10. 10 millions de 10. Pour aller sur la Switch, pour vous parler de Octopath Travel. Voilà. Je crois qu'on a pas bien entendu, c'était j'ai quoi pas compris. Un serial killer, c'est ça. Octopath Traveler. Voilà, Octopath Traveler. Donc en fait, c'est un RPG sorti sur Switch en cet été, je crois que c'était au mois d'août. Hein. Et donc en fait, c'est un jeu qui se veut un peu old school. C'est-à-dire en attaque, défense, magie, attaque, défense, magie, objet, tu sais, comme dans les jeux les plus classiques. Et là, il met en scène 8 personnages, en fait. Et on suit le destin de ces 8 personnages pour arriver jusqu'à un dénouement surprise. Donc voilà. Donc il a une particularité, c'est qu'il est fait tout en pixels, comme beaucoup de jeux indés, mais cette fois avec un effet de profondeur. Du coup, c'est comme si on voyait des petits... c'était des personnages, des petits panneaux déposés sur plusieurs plans. Donc il y a un effet de perspective, et ça floute les arrière-plans, et tout premier plan aussi. Du coup, ça rend un effet très joli, parce que c'est très lumineux, et donc vraiment, il a une forte identité graphique, quoi, déjà. Oui. Bah, le parti graphique est vraiment un hommage au jeu, oui. Super Nintendo. Complètement, ouais, à l'hommage Super Nintendo. Alors déjà, rien que le design des toits, dans les couleurs, les teintes, on pense tout de suite à des villes comme Narch, au début de FF6, hein, c'est complètement oui. Ça. Hein, t'as aussi pensé à ça, je suis sûr. Oui, sûr. Et puis après, ouais. Des designs comme du Seiken Densetsu 3, du Star Ocean, on a dit aussi. Oui, on est, oui, c'est Densetsu 3, t'as raison, complètement. Ouais. Et aussi, alors c'est marrant parce que j'ai lu une interview des développeurs, bien, et la question c'était savoir justement quels étaient les jeux qui les avaient inspirés. Et ils répondaient systématiquement les Final Fantasy, mais ils n'allaient pas plus loin. Et pourtant, moi, le premier jeu auquel j'ai pensé, c'était Romancing Saga. Et ça doit te parler, ça doit. Oh oui. Ouais. Et justement, le premier Romancing Saga est un RPG exactement dans le même schéma, c'est-à-dire qu'il met en scène 8 personnages où on suit les 8 destins, chacun avec une histoire différente, et à la fin ils se regroupent pour justement le dénouement. Et c'est exactement le même schéma que dans Octopath Traveler. C'est pareil que Live Alive aussi. Hein. Et Live Alive, sauf qu'ils sont 6 dans Live Alive. Ouais. Mais là, tu sais, la similitude avec Romancing Saga, moi je trouve ça bizarre qu'ils ne l'évoquent pas. Alors... Bah, tout simplement parce qu'ils savent que personne ne connaît. Romancing Saga, ça reste une série japonaise. Bah, ils sont sortis on a eu le premier en Europe. Bah, le 2, il est disponible sur PS4, là, en téléchargement. Mais cette année. Ah bah oui. Il date de quand et après, ils étaient sortis sur mobile aussi. Voilà. Du coup, mais oui, c'est assez récent. C'est inconnu au bataillon chez nous. Oui, oui, oui. Je pense que oui, mais bon, comme Romancing Saga, ça parlera à... personne. Ah oui, oui mais c'est bizarre qu'ils se disent ça, parce qu'ils peuvent quand même révéler quelles étaient leurs inspirations. Oui, enfin, mais je pense qu'ils se sont dit, ils ne sont pas pris la tête à ce niveau-là. Après, est-ce qu'ils y ont pensé en faisant? Ouais. On se pose la question, puisqu'ils ne le disent pas. Donc tu vois, Mais je pense qu'après, ils s'en foutent. Et oui, ils ont raison de pas l'évoquer, parce que oui, ça parle tellement à personne. Mais ça n'enlève rien aux qualités du titre, hein. Les histoires ne s'entremêlent pas, malheureusement. Par contre, le ton des histoires est très différent. On va de l'histoire extrêmement légère, comme donc l'histoire de la marchande Tressa, jusqu'à des histoires beaucoup plus sombres, comme la danseuse. Qui veut se venger en éliminant les trois types avec la marque au corbeau. Voilà. C'est vrai, j'ai adoré ce passage-là, mais vraiment bien. Alors, comme tu dis, Lyon, ce qui est dommage, c'est que les personnages n'ont rien en commun, en réalité, qui se croisent. Et donc, en fait... Quand tu croises un personnage, il rejoint tes rangs, en fait. Hein. Et du coup, ça se passe. Il n'y a rien qui est raconté à ce niveau-là, c'est dommage. C'est du genre, oh, salut, toi, salut, tu viens dans mon équipe, ok. Et c'est tout. Toi, il n'y a rien d'autre. Alors qu'ils ont mis un accent très fort sur le background de chaque personnage. il y a gros décalage à ce niveau-là, tu vois. Contrairement justement à FF6, où toute la, il y a une, tout le jeu est mis en place justement dans les rencontres. Parce qu'il y a des groupes qui se font, qui se défont, ils se retrouvent. Tout est justement forcé là-dessus. Alors que dans Octopath, justement, c'est vraiment le point faible. Mais bon, ça n'empêche pas que tout le jeu est fantastique. En plus, il a une particularité dans le système de combat que moi je trouve vraiment original. C'est qu'il faut trouver la faiblesse de l'ennemi pour pouvoir l'atteindre, en fait. Et donc casser sa protection. Sa barrière. Et moi, je trouve ça génial. C'est vraiment addictif. Un autre point aussi... Ça y était dans FF13. Dans FF13, je sais plus. Si. Non, mais j'ai c'était pas avec un système de faiblesse. Ah bon, oui, d'accord. Le système de barrière est assez simple au départ. Il prend vraiment son envol à partir du moment où on a les classes secondaires. Là, on peut commencer vraiment à avoir des choses plus complexes. Et ça tombe bien parce que c'est là où les boss deviennent vraiment, vraiment pas gentils. Ah, mais le jeu est pas gentil en général, quand même. Facile, oui. Ouais, il faut le dire. Le jeu est long, très difficile. On s'attache au personnage, on a envie d'y jouer, c'est vraiment très beau. Les musiques sont absolument somptueuses. Elle a des noms qui n'ont pas le frère encore. Sans doute ma BO préférée de l'année. Ouais, c'est vraiment incroyable. Le jeu, c'est vraiment... Alors, ça parlera au court rétro gamer, hein, quand même. Il est vraiment très austère, au final, hein. Mais bon. Mais vraiment, un gros coup de cœur. Gros plaisir sur ce jeu. Voilà. Alors, je sais pas qui l'a fait, au final, ici, à part moi et bien. Je l'ai pas fait. Non. C'est prévu. Un jour... Il m'est arrivé une histoire rocambolesque déjà pour le récupérer à la FNAC, donc voilà. Ah oui, je vais le faire, mais pour l'instant, je ne sais pas. Mais j'ai déjà vécu de grandes aventures avec ce jeu, sachez-le. Avant même d'ouvrir la boîte. Ouais, avant même d'avoir la boîte, c'est fou. Bon, j'ai deux jeux à parler, mais j'ai de temps que pour un. Bah voilà, j'ai encore sur le coup, je vais pas m'étendre plus que ça, je vais parler du jeu sur lequel j'ai passé le plus grand nombre d'heures cette année. Ah oui. Et oui, bah oui, je sais, je suis chiant, mais tant pis, je vais en parler comme d'hab. Je vais parler bien sûr d'Assassin's Creed Odyssey. T'en as déjà parlé l'année dernière, non? Non, c'était Origine, c'est l'année dernière. Bah oui, c'est ce que je dis, non? Origine, c'est Odyssée. On les connaît, la genèse a eu lieu en même temps, ça se sent dans le gameplay, clairement, qui est très proche de l'un comme de l'autre. Les deux jeux sont similaires, les deux jeux ne sont pas pour autant identiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Odyssée réussit mieux qu'Origins. Et il y a des choses qu'Origins réussit mieux qu'Odyssée, tout simplement. Comme par exemple la narration et les rapports entre les personnages sont mieux faits sur Origins. Les boss supplémentaires et tout ce qu'il y a au-delà de la quête principale sont mieux faits dans Odyssée. C'est un jeu qui est extrêmement long, perso, donc pour le platine, ça m'a pris 115 heures en difficile. Avec une carte qui, encore une fois, pose la question de... Quel est l'intérêt de faire des cartes aussi grandes pour des mondes ouverts? C'est débile, tellement elle est grande. Je suis en train de jouer à Origins en ce moment. Rien que la carte d'origine, elle est invraisemblable. C'est la surenchère de notre époque. C'est les mondes ouverts. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, évidemment, à ce tarif-là, tout n'est pas toujours intéressant à faire. Il y a surtout beaucoup de petites choses à faire, toujours assez similaires. Par contre, je tiens à mettre en avant, déjà d'une part, la réalisation technique, dont on en a parlé pas plus que ça pour le jeu, c'est un jeu qui a absolument pas à pâlir de la comparaison avec un Spider-Man ou même avec un Red Dead d'à côté, puisqu'il fait pas tout à fait la même chose de la même manière, mais il y a quand même eu des moyens qui sont considérables. En vrai, je pense qu'aujourd'hui, à part justement Rockstar, il n'y a vraiment que Ubi pour pouvoir mettre une des équipes aussi importantes dans un jeu vidéo, et ça se sent en termes de réalisation. Il y a des choix qui sont faits parce qu'il y a un moment, tout peut pas être parfait graphiquement, mais les choix qui sont faits sont bons pour que le jeu tourne très bien, en tout cas sur de la One X ou de la PS4 Pro. C'est moins le cas sur les consoles de base qui subissent quand même des baisses de framerate assez fréquemment. Ouais. Bah là, je suis que sur l'Origins, hein, oui. Et sur PS4 normal, c'est compliqué. Oui. Très, très, très compliqué. Ah, ensuite, ouais. Juste mettre en avant la scénarisation des quêtes, de toutes les quêtes, y compris des quêtes secondaires, où le jeu fait un effort de doublage de l'intégralité des dialogues, de créer des petites histoires, que à chaque fois que vous rencontrez un PNJ, il vous raconte son histoire, il vous dit ce qui se passe, etc. Voilà, c'est pas juste « Salut, je te croise, va chercher l'objet là ». Il y a plein de quêtes secondaires totalement inutiles dans le jeu qui sont bien scénarisées, qui sont parfois marrantes, qui sont... on a parlé notamment beaucoup du système de... Comment dire ? De cul. Voilà. Qui, c'est pas très convivial, ça. Laisse le choix aux joueurs d'avoir, oui ou non, des relations sexuelles avec des personnages secondaires. Bon, voilà, on peut s'en amuser, c'est pas fou. Au niveau des regrets, bon, c'est pas vraiment un regret. Les deux personnages, masculin et féminin, sont juste des swaps, c'est-à-dire, non, ce ne sont pas du tout deux scénarios différents. C'est juste deux personnages interchangeables qui prennent l'un, la place de l'un ou de l'autre en fonction de ce que vous choisissez. Personnellement, j'ai joué avec Cassandra. Oui, je comprends ce que je voilà. Et donc sur le coup, c'est une valeur sûre. Je sais qu'il est de bon aloi, mes petites dames, de cracher sur Ubisoft parce que je sais pas, c'est devenu des méchants avec le temps. Mais en attendant, je trouve qu'ils ont ça a toujours été. Ils ont mis du temps à faire évoluer leur franchise Assassin's Creed dans le bon sens. Mais là, c'est le moment, c'est le bon sens. De toute façon, ils ont récupéré beaucoup de joueurs avec ces jeux-là et je pense que c'est entièrement, vraiment amplement mérité. Et donc, faites-vous plaisir, jouez à Assassin's Creed Odyssey, surtout qu'il est trouvable maintenant pour une quarantaine d'euros. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'ils ont amélioré le doublage ? Ça dépend des personnages. Parce que le doublage d'Origins, j'ai commencé à jouer en français. Ça te va pas ? Pas du tout. Je trouve ça... pas bon du tout. Ça m'a jamais vraiment dérangé. Alors que je suis quelqu'un qui aime le doublage français de général, même si j'aime bien la VO, je trouve que le doublage français dans les jeux vidéo actuellement, on a atteint une bonne qualité. Vraiment une très très bonne qualité. Mais qu'est-ce que tu veux dire dans le doublage, c'est quoi ? C'est le choix des voix ou... On est là, le choix des voix, l'implication des personnages. Bah oui. C'est surtout, moi ça m'a frappé et j'ai changé, ça, j'ai mis ça en anglais. Ça fait trop phrases récitées, c'est ça que tu veux dire ? Oui, j'ai trouvé ça pas très bon et en anglais c'est pas... C'est mieux, mais... Ouais. On est loin de la qualité du Spider-Man, ça c'est sûr, au niveau du doublage. Même de certains autres assassins de Ubi. Assassin, tu prends le 2, le 2 en termes de doublage, c'est exceptionnel. Moi je l'avais fait en italien pour le coup, c'était fabuleux. Assassin's Creed 2, Ezio. Ouais, ils ont tué tout le monde, ouais, je vais me venger. J'adore le 2. J'adore, c'est mon épisode, mais c'est mon épisode préféré. C'est celui que j'aime le plus, moi. Mais... Non, mais après, c'est personnel, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le doublage très très convaincant. Ça enlève pas la qualité du jeu en lui-même. Hein. Juste un petit point de détail, je voulais juste savoir si c'était un peu mieux dans le Odyssey. C'est pas... Il brille pas de ce côté-là, on va dire. D'accord. Pas spécial. Ok. Voilà. Mais et donc bon, il est déjà 23h. Alors on a commencé un peu en retard, donc je vous propose un truc de faire un dernier tour de table pour parler rapidement en une ou deux minutes chacun un dernier jeu dont on voulait parler ou mettre en avant tout ça. Donc on a un peu voilà. Okay. Donc allons-y, en vrac qui commence. God of War, Gotti. Au revoir. C'est ça. Ça mérite d'être dit. Voilà, non mais c'est très bien. Voilà. Chef d'œuvre. Bagarre. Oui. Boy. Voilà. Merci, Pelle. God of War, ou comment transformer un beat'em all décérébré et toujours plus superlatif en une quête initiatique d'un père et de son fils qui se retrouvent en une espèce de long plan séquence, jamais coupé tout du long, ce qui est quand même une première dans un jeu vidéo. Ouais. Les mécaniques sont excellentes. Le jeu a une réalisation superbe, même sur une PS4 de base. Ah. Je ne l'ai pas fait, j'ai atteint. Ça la fera souffler beaucoup quand même. Je vous le dis, je ne l'ai pas fait, j'ai atteint. Je ne l'ai toujours pas fait non plus. Hein. Comme Horizon d'ailleurs, hein. j'ai hâte aussi. Voilà. Je parlais de relecture pour les Assassin's Creed. Ben, Santa Monica a totalement, pour moi, réussi sa relecture de God of War. Kratos en mode bah, en mode daron plus réfléchi, il atteint des niveaux de, d'émotion énormes, quoi. Franchement, hein, c'est génial, carrément génial. Bah, et surtout, il faut juste dire qu'il est quand même doublé par un Goa'uld. Christopher oui. Judge, ça, s'il vous plaît. C'est vrai. Et rien que pour ça, jouez-y. Hein. Et justement, il a reçu une récompense. Hein, qui avait, putain, dans les Games Awards, le costume. Regardez le costume de Christopher Judge dans les Games Awards. Ah ouais ah, ah ben, Gauthier aussi, le costume. C'est, non, enfin, Suit of the Years. Sauti, c'est le sauti. C'est... Ah mais... C'est, voilà. C'est très bien, ça. Merveilleux. Il fallait qu'une minute, en tout cas. Okay. Vas-y. Qui a envie de parler de notre jeu Vas-y, allez. Il y a des jeux... Ou des fois on n'a pas besoin de jouer, juste voir et écouter la musique et en tomber éperdument amoureux, ben, moi c'est le cas, c'est Céleste. Ah oui. Jouer à Céleste. Ah ben, je suis en train écouter de faire, Céleste. Ouais. Jouer, jouer, faites que ça. C'est tout. Ah il dispose d'une aura de... Alors, ouais, de d'admiration ce jeu en ce moment, c'est fou, hein. Ouais. Autant le gameplay me laisse totalement hermétique, autant je suis regardé moi y jouer l'autre soir, et effectivement, la musique colle extrêmement avec l'ambiance du jeu. Lena Raine est une génie, c'est plus... Bah ouais, voilà, ouais. J'ai pas d'autres mots. C'est... Voilà, joue à Céleste. Mais pourtant, le gameplay, il peut pas te laisser hermétique, il est... Enfin, il est carré le gameplay. Enfin, il est super carré, ouais. J'ai joué... Ah oui, non, non, mais c'est juste que j'ai déjà pas envie de faire... Je vous ai mis le costume. Au début, hein, du jeu. Bah, dites-vous que moi, est mort 80 fois sur le premier... Ah oui, mais je suis mort 80 fois parce que j'ai cherché à trouver des voilà. Fraises, machin, mais je serais sans doute mort un peu moins. Ah non, mais c'est comme... Et puis la mort n'est pas du tout punitive, en fait. C'est pas... ouais, et le jeu est bienveillant quand tu meurs. Ouais. C'est non, ça, le truc, il est bienveillant. C'est juste un peu comme Super Meat Boy, ça m'attire pas. Je sais pas comment... Oui. Alors que j'adore Runner 3, ce qui est totalement paradoxal. Bah, mais, oui, par contre, après, alors tu vois, moi, autant Super Meat Boy, j'aime pas trop Super Meat Boy, parce que je trouve que le level design, non, en vrai, il est pas très bien. Mais là, dans Céleste, le peu que j'ai vu pour l'instant, le level design est bien. J'ai vu le jeu intégralement. Mais quand j'ai pas encore joué, mais c'est des jeux, ouais. C'est, Mais j'ai... Voilà, moi, j'ai... Ça s'explique pas, quoi. Mon ressenti, voilà, c'est comme Darksiders 3. Hein. Vu que je viens de les commencer, j'en parle pas. Donc trop. Voilà, c'était tout pour moi, jouer à Céleste. Et écoutez aussi. Écoutez la... Mais moi, le problème, c'est que là, il y a tellement de jeux que j'aurais bien aimé parler. Moi, le jeu. Une synthèse, dis juste les non, non, les mais jeux, le jeu auquel. Non, mais en plus, parce que j'aurais bien aimé en parler avant, du coup. Le jeu auquel j'ai le plus apprécié jouer cette année, c'est Bloodborne. Ah oui, ouais. Bah, mais tu me diras, c'est vrai, c'est bête, je l'ai fait cette année. Bah, je l'ai fait cette année parce qu'il était en gratuit sur le PS Plus. Bah, ouais, tu vois, c'est comme ça que ouais, j'ai fait aussi, ouais. Je pensais vraiment que ça allait être le dernier jeu que j'aurais pu citer en termes de mon jeu préféré de l'année, même si il est pas sorti cette année, mais. J'ai adoré la direction artistique, j'ai adoré le gameplay qui, contrairement aux Dark Souls où j'avais pas fait les Dark Souls parce que j'avais l'impression qu'on jouait un tank contre des ennemis beaucoup trop vénère. Et d'ailleurs, ayant fait Dark Souls le premier aussi, ça m'a un peu conforté dans mon idée. Mais alors, Bloodborne, j'ai trouvé le gameplay mais beaucoup trop bien. Mais oui, c'est ça a vraiment rien à voir avec un Soul. Il est tout le temps catalogué dans cette série-là, mais en réalité... il y en a qui le considèrent comme un Metroidvania. Et je rigole pas quand je dis ça. Il y en a beaucoup qui le considèrent comme un Metroidvania. Hein. Oui, mais justement... Moi, j'ai du mal à voir effectivement... Parce que justement, il n'y a pas de notion de « je récupère un nouveau pouvoir qui me permet d'aller plus loin ». C'est juste que j'ai tué le boss et je peux aller plus loin. Quoi. C'est ça, ouais. Moi, je le chose sur laquelle il est un poil moins bon d'ailleurs que le premier Dark Souls, par exemple. Parce que le premier Dark Souls, le level design, là, il est baisé. Waouh, c'est un truc de malade. Mais après, dans Bloodborne, c'est de l'artifice. Ouais. Très très bien mis en scène. Ouais, ouais, mais ouais. Ça reste un artifice. Mais c'est ça. Mais par contre, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré le. J'ai trouvé tout bien. Et même si effectivement, des fois, tu meurs, t'as. Des fois, ouais. Bon, des fois. Même si je suis beaucoup mort comme une grosse merde, j'ai pas eu le sentiment, sauf, je réfléchis, peut-être à un ou deux moments quand même, où là je me suis dit, non, là je t'abuse. Mais sinon, je me suis dit, ce jeu il est bien, voilà, j'ai adoré. Et je vais citer vite fait un pêle-mêle parce qu'on parlait de Metroidvania. Il y a trois Metroidvania que j'ai fait cette année, trois excellentissimes jeux, Guacamelee 2. Axiom Verge, pour j'avais mis Axiom Verge pour la. C'est vrai, Axiom Verge, j'aurais pu le citer aussi. Guacamelee c'est 2 pas... pour son level design et le fait que voilà les actions. Tu vois, je pensais que tu allais en parler avant de Guacamelee 2 et qu'on aurait pu en parler ensemble. Et effectivement, moi aussi, big up sur Guacamelee 2, aussi agréable que le premier, super fluide. C'est ça. La fluidité de l'action, le level design et tout. Guacamelee 2, très bonne pioche. Tu as une blague dedans ? Comment ? De blagues. Oui. Ah oui, ah bah, oui. Voire même. Dans le premier, c'est aussi ce que j'ai apprécié. Il y a même une c'est... blague sur les blagues, hein, donc c'est... Tu... Ouais, c'est ultra référencé. Hein. Ah, oui. Bah, c'est quelque chose pour nous. Quoi. Moi, le premier, j'ai trouvé. Donc, Axiom Verge, j'ai aimé parce que la proposition du jeu est très originale avec des pouvoirs qu'on voit pas trop dans les Metroidvania. Un scénario très libre à l'interprétation et des énigmes, mais où il faut réfléchir, mais bien au-delà du jeu. C'est assez ouf. Je parle pour des énigmes optionnelles par contre, parce que sinon le jeu tu peux le finir tranquillement. Et bien sûr Hollow Knight, où je suis... Enfin là le jeu je ne l'ai pas encore fini à 100%, mais je suis vraiment abasourdi par la qualité du jeu. J'ai pas joué mais je trouve magnifique. Si je l'avais... C'était les jeux que Bilan voulait dire, ça je suis sûr. Si je l'avais fini à 100%, il serait peut-être même peut-être au-dessus de Bloodborne, j'attends de voir encore, mais abasourdi. Ouais, Bloodborne, je dirais. Donc l'année du Metroidvania pour moi, hein. Et il y avait aussi Iconoclast, hein, Bion pour en parler, mais il y a eu plein de Metroidvania là qui ont... Ah, Iconoclast, bah, j'ai commencé là parce qu'il était gratos. Très intéressant, donc voilà, pour moi, je... Bon, titre qui revient en force, et j'ai envie de dire vivement Metroid Prime 4 l'année prochaine peut-être, je ne sais pas. Oui, avec une Samus gilet jaune, bien évidemment. Ah putain. The Messenger, Red parle de The Messenger, même si je pense, enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est Metroidvania ou pas, mais... Les retours de The Messenger sont assez bons en général. Ouais. Bref, j'ai explosé mon temps de parole, désolé. Toi, Chou, un jeu où... Non. J'ai plus rien, en fait. Visiblement, en fait, je vais faire comme d'habitude, en fait. Je vais, en 2019, jouer aux jeux 2018, quand ils seront abordables. Ah oui, bah, tu fais comme nous, hein. Non, bah, bah, c'est ce que je vais faire. On fait pareil. Et puis, je veux dire, 2018, il y a eu de quoi faire. Donc, justement, 2019, ah ouais, c'est pour ça. Ouais, ouais. Moi, les trois quarts des jeux auxquels j'ai joué, c'est pas des jeux de cette année. Hein. Ah oui, bah, c'est pareil. Hein, Bloodborne, encore, je l'ai fait un peu par hasard, parce que je me faisais chier en vacances. Sinon, ouais, pour te dire, j'ai fini Tales of Zestiria cette année. Oui. Et Ni no Kuni, hein, donc. J'ai fait Witcher aussi, moi j'ai fait The Witcher le tout premier, pour dire. On joue vraiment à tout, ouais. Les jeux. Bah, la trilogie Crash Bandicoot dans les jeux que j'avais fini, justement, que je voulais vous dire, c'était ça justement. J'ai fait Crash Bandicoot 1 et 2 dans la trilogie sur One, parce que ils sont sortis que. Non, mais après, le plus important, comme on le répète régulièrement, jouez, amusez-vous. Mais oui, qu'importe voilà. Les jeux, je vois ce que vous voulez. Qu'importe la date des jeux, quand ça sort, amusez-vous, découvrez. Bah oui. C'est ça le plus important. Bah oui. Je vais rapidement parler d'un dernier jeu puisqu'on est dans le podcast du collectionneur que j'ai acheté pour la collection. J'ai pas acheté tant de jeux que ça cette année pour la collection, ou pas des jeux auxquels j'ai envie de parler, sauf celui-là, qui est donc Gedarius sur PlayStation 1. Ah oui. Oui. Que je voulais depuis très longtemps, auquel je n'avais jamais joué. Et j'ai enfin réussi à mettre la main dessus pour un tarif à peu près correct. J'ai joué à Gedarius. Alors, je préfère encore Darius Gaiden aujourd'hui pour tout un tas de raisons, mais Gedarius est une excellente surprise. Alors ok, la PS1 tire la langue assez souvent dans le jeu. La difficulté est infâme. C'est Darius. Vraiment. Darius n'a jamais été connu pour sa gentillesse. Par contre, le level design des boss est fou, bien au-delà de ce que propose même Darius Gaiden, avec des boss beaucoup plus, des mises en scène beaucoup plus intéressantes. Ah ouais. La musique du collectif Zuntata est encore folle. Quand je dis folle, vous ne pouvez pas vous attendre à entendre une bande Zuntata. Quand vous écoutez leur musique, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter ? Comment un cerveau humain a pu penser ça ? C'est... Il faut dire aux gens qui ne connaissent pas que c'est Taito. Voilà. C'est comme l'Economy Club, ils ont un truc de musique propre à eux, et chaque fois qu'ils officient, c'est... Voilà, Darius, c'est unique. J'aimais déjà d'un amour fou la musique de Darius Gaiden, mais alors, là aussi, c'est vraiment fantastique. Le jeu est agréable. Il y a de nouvelles mécaniques de gameplay qui apparaissent, notamment avec la capture des ennemis et le rejet qu'on retrouvera plus tard dans la version PS4. J'ai une question débile. Oui. Pourquoi le jeu, le prix a été multiplié par 5 ou 6 en 5 ans ? Alors, c'est une excellente question, mais moi aussi, c'est un jeu. Regardez la cote, là, je comprends pas quoi. Les Darius, en général, sont. Je sais pas pourquoi c'est ça. C'est un jeu que j'avais acheté pour aux alentours des 30 euros il y a quoi. Oui. Parce que quand tu dis multiplié par 5 ou 6, ça donne quel ordre? En fait. Là, c'est complet en super état, 90-100 balles, voire plus. Ah ouais. Je l'ai pas. Alors, je l'ai payé 45€ frais de port inclus. Je crois que c'est pas une version FR que j'ai. Je crois que c'est une version anglaise. La boîte est en anglais derrière. Mais c'est une PAL. Enfin, peu importe. J'ai dit, je m'en fiche. Pareil. Non, c'est bien à ce prix-là, ça. J'ai attendu pour l'acheter parce que c'est un jeu que je trouvais genre couramment. Et maintenant, c'est le genre de jeu pour le trouver. C'est... Plus, ouais. Même Darius Gaiden sur Saturn a pris une cote ces derniers temps. Ensuite. En plus, c'est de la Saturne. La Saturne commence à côté maintenant. Donc, sur le coup, ça fait partie de ma belle découverte rétro de l'année. Ah, ok. 9-7. C'est vrai qu'il y a eu le rétro aussi. Pardon, j'ai pas compris. Il y a eu le rétro. Non, ça y est, il a sa 8e page de jeu à citer. Il a dit, ah merde, ça va être cela aussi. Oui, mais c'est ça, il y avait les jeux rétro de l'année. Ouais. Et c'est cette année que j'ai fait. Pardon. Vas-y. Donc. J'ai toujours pas compris. Non, il disait c'est Stanley qui l'a pris les Poki et Rocky maintenant. Ah mais, oui, parce que, mais je comprends pas, vous m'entendez pas? Oui, ça a coupé un petit peu là. Ça a coupé un peu. Ah bon, d'accord. Okay. Pendant un moment, j'ai cru que t'avais joué à Rocky sur Master System, j'ai eu très peur. Ah oui, non. J'ai joué, j'avais aimé. Hein, hein? Oui, j'avais 10 ans. Ah oui. Ah oui, mais je me rends compte que j'avais baissé le volume de mon micro. Je suis désolé, ça se trouve, ça a dû couper toute la journée. Non, juste là. Donc sur le coup, bah, comme on disait, basique, l'essentiel c'est de jouer, de se faire plaisir. On va continuer à jouer, l'année prochaine c'est prévu, on continue à jouer. Oh, c'est possible. Voilà. L'année prochaine, moi il y a des trucs que j'attendais déjà pour cette année, donc. Oui, l'année prochaine j'aurai certainement joué à God of War, à tous les jeux. Moi je joue en décalé, c'est plus rigolo. Ouais, moi je joue un peu en décalé machin, mais voilà, l'année prochaine, je veux dire là c'est bon, et j'espère qu'il va enfin sortir Metroid Prime et j'espère qu'il va enfin sortir Bayonetta 3 parce que. Vous faites chier là. En plus, il y a Devil May Cry 5 qui arrive. Oh, l'année prochaine, je suis aux anges. Il y a tellement de jeux bien qui s'annoncent là. Sekiro, il t'intéresse aussi, je crois. Hein. Spyro ? Sekiro. Ah, Sekiro. Mais de toute façon, oui, voilà, oui, sans aller loin, je veux dire, rien qu'au mois de janvier, il y a Kingdom Hearts 3 et Resident Evil 2 quasiment en même temps. Oui, et puis il y a aussi Mortal Kombat 11 qui est annoncé aussi pour quoi, avril, c'est pas ça ? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Mortal Kombat 11. Ah oui. Le trailer qu'ils ont mis il y a quelques jours, il envoyait quand même pas mal de pâté. Ah ouais, en CGI là, j'avais mal à chaque seconde quoi. J'étais Mais bon ouais, mais même début janvier, fin janvier, je sais plus, il y a la vraie version de Tales of Vesperia qui sort là. Enfin voilà, il y a plein de trucs l'année prochaine. Un nouveau Yoshi sur Switch qui arrive. J'ai envie de dire, l'année prochaine, Nintendo va enfin sortir des jeux sur la Switch, c'est fou. Des nouveaux jeux, pour parler mieux. C'est fou, quoi. Et donc, sur le coup, ça tombe bien, on va continuer, comme dit Pulpy aussi, à parler de jeux vidéo et à vous retrouver pour d'autres podcasts. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ouais. Parce que nous, oui. J'espère que l'interview de notre invité vous a plu. C'est vrai qu'on aimerait bien faire ça plus souvent, mais bon. Mais sur le coup, on va remercier encore sa présence et donner l'opportunité de parler d'un jeu français, parce que Cocorico. Ouais, exactement. Et sur le coup, on va vous souhaiter bonne nuit. Remercier les personnes qui étaient présentes ce soir et qui ont participé sur le chat. Merci. Un petit coucou à nos personnes qui nous écouteront sur YouTube. Poste bleu et n'oubliez pas d'activer la cloche. Ouais, c'est ça. Je crois que je l'ai dit, c'est bon, tout va bien. Bonne nuit et à l'année prochaine. Alors oui, c'est ça que je voulais dire. Merci. Tu veux dire. Le prochain podcast n'aura pas lieu avant l'année prochaine. C'est la trêve des confiseurs. Voilà, il y a les fêtes de fin d'année, il y a les vacances. Alors, sauf changement de programme, bien sûr. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est pas prévu, voilà. En tout cas. Donc, joyeuses fêtes à vous. Donc, n'hésitez pas, comme d'hab, à venir faire un petit tour sur le Discord pour ceux qui ont envie. Voilà, Discord du collectionneur, c'est pour ceux qui veulent. Voilà. Hein, voilà. Ouais, on est bien là. Ça s'arrête. Allez, des bisous. Et puis bonne année, déjà. Bonne santé. Une bonne fête de fin d'année. Santé, utilise ton micro plutôt que de taper au clavier. Et bisous. Allez. À plus. À plus.